partout dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le pire d'aujourd'hui à Assemblage requis. On entame notre dernière semaine matinale, oui, on commence à préparer notre déménagement estival. On s'éduquera avec la chronique de connaissances générales, c'est un fait, et on trouvera le lien entre non pas trois, mais quatre pièces dans la chanson. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 28 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Ah, les lundis. Ah, comme disait Garfield. Ben oui, hein. Les lundis. En mangeant de la lasagne. De la lasagne. Ah, si c'était un lundi à la place, mais tu sais, ce serait comme lasagne. Lasagne. Lasagne. Ouais, ce serait pas mal meilleur. Ça ressemble à luzerne. Oui, ah, ça, c'est pas bon, par contre. Non, ça, c'est. Non, pas pour ça, moi. Ça, c'est non. Non. Hey, tu me feras pas embarquer là-dedans, toi, là, les légumes, là. Wow. Donc, c'est la dernière semaine de la session hivernale printanière de C'est fou. Entre guillemets. Ouais, des gros pouit. J'essaie de faire du sang. J'essaie de faire du son. Ouais. Ça marche pas. Ben, si t'applaudis avec juste une main. Non, je suis pas capable. Non. Ça fait mal. Donc, il nous reste seulement 4 émissions. Seulement 2 avec toi, JP. Ben oui. Ouais. Aujourd'hui puis demain. C'est triste, ouais, c'est ça. Aujourd'hui et demain est un autre jour. Oui. Ensuite, mercredi et jeudi avec Steph Paradise. Après ça, on termine les matins. Il n'y aura plus rien le matin pour l'été, comme tous les étés. Et on va revenir en case estivale. On vous en reparlera. On a plein de temps encore pour s'en parler. On va savourer ces 4 derniers jours. Ben oui. Ensemble. Profitons de nos moments. Ah oui, nos moments. Profitons de nos moments. C'est la fête des mamères. C'est la fête des mamères. Des mamères. C'est la fête des mamères, les mamères. Des mamères. Ouais. Cette semaine, on va avoir quand même quelques chroniqueurs. On se fait pas abandonner par tout le monde, même si la session en tant que telle de C'est fou se terminait hier dimanche à minuit, 23h59. C'était la fin de la session régulière des émissions animées par des étudiants, entre autres, et des gens de la communauté. Mais nous, les quotidiennes, on continue ça pour une dernière semaine jusqu'au 1er mai. Ouais. Donc, aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on a à vous offrir? Hein? Un paquet de produits, une ribambelle. Si vous avez maintenant, on vous en donne encore plus. Donc, aujourd'hui, on va faire Écoutons la dans la chanson. En fin d'émission, c'est le petit quiz musical. Tu dois deviner le lien entre, d'habitude, 3, mais cette fois-ci, 4 chansons. Oh! Comment vas-tu faire? Ouais, ben là, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on va faire une pause au milieu? Oh, ouais. OK. Ah, ouais, on va faire 2 pauses, mon frère. Wow! On a tout le temps à remplir aujourd'hui. Avant ça, son foutu palmarès. Je t'avais promis la dernière fois des faits sur Archie. Ça sent bien, c'est préparé, tout ça. Aussi des instructions sur comment vivre en 1904. OK, parfait. Au cas où. C'est ça, au cas où que vous aviez à voyager dans le temps. Ben oui, mais je connais des gens qui l'ont fait. Ah oui? J'ai plus jamais entendu parler d'eux. Non! ensuite, c'est ça. Ben, son foutu palmarès, je suis pas obligé de tout vous les dire, là. On va vous garder un petit peu de suspense quand même et on va débuter l'émission comme on le fait tous les lundis avec notre classique C'est un fait. D'accord. Voilà, le bloc s'en vient justement dans quelques instants. Mais avant de commencer C'est un fait, on va y aller avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Je sais pas si t'as écouté les palmarès C'est fou jeudi dernier. C'était plat, pas besoin, c'est pas grave. C'était préenregistré, c'est pas mauvais. Ah, mais ça, t'en es rendu compte. Ça a l'air tellement live. J'écoutais chez nous. Il a l'air. Il est bon, le gars qui anime. Ah ouais. Il a l'air enrhumé, par exemple. Ah, un peu, hein, le mucus. Mais je m'en sors. Alors, on va entendre The Pretty Reckless. Voici Going to Hell. Bonne émission. Like a wave I won. The Pretty Reckless à Assemblagerie. Oui. Ouais. Vous savez, le lundi, c'est classique. C'est plus, on n'a plus à le présenter. Mais là, c'était pas de la musique classique, Mathieu. Non, c'est ça. Ça c'est plus rien. Il n'y en a plus de musique classique. C'est fini, ça, c'est mort. C'est dommage. T'es enterré. Si vous voulez animer une émission des musiques classiques. Et hey, toi, oui, toi. Animateur, recherché. Alors, c'est une chronique qu'on fait tous les lundis, qui n'a plus besoin de présentation. Comme ça. Comme ça. On va chanter à place. C'est un fait. C'est un fait. Des affaires que je sais pas, des affaires que tu sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Oh! Wow! C'était un nouveau couplet, ça! Wow! On n'avait jamais eu de couplet dans cette chanson-là, seulement le refrain. Oui, je pense que oui. Je sais pas si on peut dire un couplet quand c'est ça. Ou peut-être off micro ouvert. C'était du slam. Oui! C'était à la place, c'était du slam de fée, donc flamme. Flamme. Tout feu, tout flamme. Oh, wow. Bon, ça commence très bien. Commençons avec Big Brother. Tu connais l'émission Grand Frère, l'émission de télé-réalité où les gens vivent dans une maison, Big Brother, Love Story, etc. Tu connais ça, bon. Donc, la version belge de Big Brother, l'émission qui est maintenant partout dans le monde, ben, les invités, les colocataires, finalement, devaient trouver une centaine de tarentules. Les producteurs qui avaient décidé ça, c'était un événement, les gens devaient jouer à ça. On devait trouver 100 tarentules qui avaient été relâchées dans la maison. Évidemment, les gens devaient faire super attention, un peu comme dans Fort Boyard, ils leur montrent comment manipuler ça. Donc, on allait partout dans la maison, on ramassait les tarentules une par une, on les plaçait dans des petits contenants de plastique, et la mission faisait qu'on devait regarder vraiment tous les meubles, dans les souliers, etc., etc. Par contre, ce qu'ils savaient pas les invités dans Big Brother, c'est qu'il y avait pas vraiment 100 tarentules, mais seulement 99. Et apparemment, les producteurs de l'émission voulaient jouer un peu, tester les gens, voir comment ils allaient réagir dans certaines circonstances, comment est-ce que les gens allaient répondre à la peur. On peut imaginer, évidemment, qu'après en avoir trouvé 99, tu sais qu'il y en a 100, tu paniques parce qu'il y en reste ça quelque part, tu peux plus dormir, là, tu sais. Tu peux plus dormir. Expérience sociale, Big Brother, j'adore ça. C'est pas comme la version américaine où c'est juste une compétition à la Survivor où les gens doivent se nominer. Dans d'autres pays, c'est encore le test comme des souris de laboratoire. Et c'est tellement le fun à regarder, Big Brother. J'adore. Ton besoin numéro 2 oui. Est plus important que tu le penses. Okay. Il peut te sauver la vie. Oh. Ton caca. Oui. Donc, tu pensais peut-être que le caca, c'était seulement un bout de nourriture comme ça qui était éliminé après avoir enlevé tout ce qui était nutritif dans ton corps, qui prend tout ce qui est nutritif et finalement rejette le reste. Par contre, ce qui sort de ton derrière n'est pas que des fibres. En fait, une grande majorité, c'est des bactéries. Et la plupart sont toujours vivantes. Oh. C'est vrai. Les bactéries, même si c'est dégueulasse, c'est qu'on essaie de s'en débarrasser d'habitude avec du savon antibactérien, mais c'est quand même en majorité de ce que l'on est, les bactéries, en fait, qui coexistent avec le coca pour empêcher les mauvaises bactéries de se propager puis aider à produire des vitamines. Le caca peut aussi sauver des vies. Une personne qui a ce qu'on appelle une ulcerative colitis, ça c'est un colon rempli d'ulcères saignantes, ou saignant, je sais pas, un ulcère, je crois. Oui. Des crampes intenses, diarrhée ensanglantée, et mon d'estomac sévère. Bon matin. Bon matin à vous. Ça doit être difficile de vivre. Donc, le fecal, c'est une opération qui s'appelle Fecal Microbiota Transplant, un FMT. Ça peut être utilisé pour sauver la journée. Donc, le processus, c'est d'enlever le numéro 2 d'une personne en santé de son système digestif, okay, et de mettre ça dans le système digestif d'une personne malade qui est atteinte de ce ulcerative colitis. Pour mettre les bactéries dedans? Exactement. Pour insérer des bactéries qui sont bonnes et des fibres dans leur système pour réussir à calmer les ulcères. OK. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Ah ben, ils n'ont pas trouvé un autre moyen de faire autre chose. Ben non. Le caca à l'air escoucous. tu connais le film Psychose, Psycho? Oui. Oui, ben il y a une actrice dans ce film-là qui s'appelle Janet Leigh. C'est l'actrice principale, celle qui se fait poignarder. Elle a été traumatisée par le film et même des décennies après avoir regardé sa scène célèbre dans Psychose de Alfred Hitchcock où son personnage est poignardé plusieurs fois, elle pouvait toujours sentir la peur autour d'elle, une peur qui n'arrêtait jamais depuis qu'elle a vu ce film-là. Évidemment, ces émotions-là qu'elle associait avec la scène étaient super fortes. Elle a changé les choses dans sa vie pour essayer d'être plus confortable. Par exemple, le reste de sa vie, elle évitait les bains. Les douches, pardon. Et elle prenait des bains à la place. Et quand elle devait prendre absolument une douche, quand c'était la seule option, elle s'assurait que toutes les portes étaient barrées, que son rideau restait ouvert. Donc, elle prenait sa douche avec le rideau ouvert. Donc, contre le mur, c'est pas pratique. Elle surveillait la porte de la douche, peu importe où était la tête de la douche, donc la pomme de douche. Elle s'est rendue à la conclusion, par contre, qu'elle était chanceuse d'avoir travaillé sur ce film-là, de se faire souvenir, qu'on se souvienne d'elle finalement. Ah ben. Janet Leigh de Psychose. Ouais. Ensuite de ça, toujours, c'est un fait, bien sûr. Tu connais peut-être, en fait, moi, je la connaissais pas, mais la phrase Memento Mori. Memento Mori. Memento Mori. Ben, oui, oui, oui. Oui, oui, évidemment. L'Orient Ipsum, mais. Ben oui. De l'Or Sidabet et. Persona non grata. Oui. Voilà. Donc, non, Memento Mori, l'expression, c'est en latin. Bien sûr, ça veut dire Remember that you will die. Souviens-toi que tu vas mourir. On pense que ça vient de la Rome antique, alors qu'un général romain célébrait une victoire dans les rues. L'histoire dit que quelqu'un derrière lui, un esclave, en fait, devait lui rappeler, au général, que sa vie n'allait pas durer pour toujours. Donc, l'esclave disait Memento Mori, donc souviens-toi que tu vas mourir. C'est une façon de garder, d'empêcher le général d'être trop confiant. D'avoir trop confiance en lui et de se dire invincible, tu comprends? Eh ben. Donc, il devait se faire rappeler qu'une fois de temps en temps, même s'il était à son sommet en ce moment-là, ben, que le lendemain, il pourrait mourir. Il pouvait saigner. Exactement. c'est pas la seule utilisation pendant l'histoire. À travers l'histoire, la définition a changé un petit peu. Au Moyen-Âge, par exemple, à la place de te rappeler de ce que tu avais, de ce que tu pouvais perdre de ta vie, ouais, à la place, c'était plutôt pour souligner le vide et le fait que les choses dans la vie passaient. Tu sais, mettons. Les affaires matérielles, c'était pas important parce que tout finit par s'envoler. Tu sais. Donc, pour eux, à la place, au Moyen-Âge, c'était l'après-vie. Donc, leur vie après la mort, qui était la plus importante. Et les choses que tu avais sur Terre ne valaient pas grand-chose, les possessions matérielles. Oh. Mais c'est, on disait voilà. Aussi Memento Mori. Memento Mori. C'est beau, hein? Oui. Tout finit par s'envoler, c'est la prochaine tour de Marie-Main, tu penses? ça a l'air à ça, oui. Hein, un petit beat, là, peut-être ça, là. Wow! une compagnie nommée Holy Smokes. Marie-Main, moi, ça me rappelle Éric Lapointe, je sais pas pourquoi. Donc, Holy Smokes, hein, qui va prendre tes cendres et qui va les remplacer, en fait, va les placer dans des balles de fusil. Tes cendres quand tu meurs, là. Tes cendres quand tu meurs. Je veux juste être certain. Ouais, c'est ça. Parce que je vais parler d'Éric Lapointe puis film de la drogue. J'avoue, là, c'était bien là. Mes bottes de cigarettes. Ben, mais ça, dégueulasse. Donc, il y a des gens qui veulent être enterrés dans un cimetière. D'autres qui veulent que leurs cendres soient éparpillées un petit peu dans l'océan. Mais certains, comme le fondateur de Holy Smokes, et en fait, certains dont le fondateur de Holy Smokes, c'est pas grand l'autre monde, comme vous allez voir plus tard. Donc, Thad Holmes, T-H-A-D, Thad Holmes, voulait que ses cendres soient chargées dans 250 coquilles, donc des balles de fusil, utilisées ensuite pour tirer et tuer des animaux. Ouais, donc Thad, qui est un homme d'extérieur, de chasse, et son fils aussi, et les deux croyaient que c'est la meilleure façon pour son fils de se souvenir de Thad, donc de son père, était de l'utiliser une fois par année pour tuer un animal. Une idée bizarre qui est devenue une idée pour une entreprise gérée par Thad lui-même, qui s'appelle Holy Smokes. Donc à la fin de sa vie, quand Thad va mourir, ils vont faire la même chose avec son corps. Donc les gens envoient à la compagnie les cendres leurs êtres chers, et en retour, la compagnie place les cendres dans 250 coquilles, donc que la famille choisit de balles de fusil, et ensuite renvoie tout ça à la famille. C'est quand même une compagnie unique, donc le prix est 850 $. Ils te chargent pour ça, c'est sûr, assez cher. Leur site est buyholysmoke.com. Et après quelques mois d'opération, ils ont déjà un site web. Et attention, deux familles différentes, là, pas la même deux fois, hein? Utilisent les services de Holy Smokes. Deux. Pas une. Deux. Pas trois non plus. Ouais. Deux, juste deux. Mais bravo à Holy Smoke, quand même une drôle d'idée d'aller tuer les animaux, hein, parce que, tu sais, tant qu'à mourir, toi-même aussi bien en tuer d'autres. Ils vont se souvenir de moi. Ben voilà, tu sais, si je dois couler, vous allez tous couler. Memento Mori. Ensuite, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi, toi, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les touches sur ton clavier sont dans l'ordre qu'elles sont là? Clavier d'ordinateur. Oui, évidemment. C'est vrai, hein? C'est vrai. On sait qu'on appelle ça un clavier QWERTY en Amérique du Nord, parce que ça commence évidemment par QWERTY. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer plus que ça. Mais saviez-vous pourquoi les lettres étaient dans cet ordre-là? En fait, c'est parce que les claviers à l'origine, les tout premiers qui ont été fabriqués, jamais, ça poignait quand tu tapais sur certaines touches qui étaient placées une à côté de l'autre en succession trop rapidement. D'accord? Donc en 1874, Christopher Sholes, qui est celui qui a développé le placement de ces lettres-là, essayer de ralentir les gens qui tapaient sur le clavier des dactylos, évidemment, en mettant les lettres les plus communes dans les endroits les plus difficiles à atteindre, donc pour réduire le jamming. Même si la technologie moderne n'a plus de problème de jamming, le clavier, dans le fond, est resté parce que on était habitué. Puis il y a d'autres sortes de claviers, mais on a de la difficulté à passer d'une technologie à l'autre. Comme, tu sais, mettons, on est passé... Une souris avec fil sans fil. Une souris avec... Ça va. Sinon, maintenant, c'est rendu avec les mouvements, puis avec les mains dans les airs, puis personne ne veut faire ça. On veut tous rester à la souris quand même. Mais le clavier n'a pas tellement évolué depuis la dactylo. Non. En même temps, t'imagines changer les lettres de place? Et crime, non. Il faut que tu réapprennes à vivre. Ben, c'est comme les pays qui ont passé d'un côté de la route à un autre côté de la route, puis ça fait des gros problèmes. Mais bon, l'évolution, des fois, ça doit se faire éventuellement. Un vilain dans Batman a été dit ou en tout cas accusé d'être trop violent et trop dégueulasse pour la série Batman des années 60. Okay. Quel personnage, selon toi, le méchant qui n'est jamais apparu dans la série télé des années 60 Batman? Dans ce qu'on connaît. Là. Dans ce qu'on connaît? Ouais, des films, entre autres. Trop dégueu? Trop violent, macabre, lugubre. Est-ce que ce serait le Pingouin? Non. Ah, c'est le Joker? Non plus. Non plus, non, c'est vrai. Non, je me souviens de lui. Qui c'est? Pas le Sphinx. Pas le Sphinx non plus. C'est assez facile. Qui qu'il y a d'autre? Je me souviens plus. Catwoman. Pas Catwoman, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas elle non plus. Ouais, en effet. Non, c'est Two-Face. Ah! C'est deux doubles... Double face, voilà. Ah oui. Ah ouais, trop dark. Trop dark pour la série télé. La série des années 60, donc Batman, c'était la première fois que les personnages étaient amenés à l'écran, donc au-delà des bandes dessinées. Et étant donné que les bandes dessinées étaient quand même censurées pas mal à l'époque, l'émission était adressée envers les enfants. Il y avait plusieurs leçons morales à la fin des épisodes. Par exemple, l'importance d'utiliser une ceinture de sécurité. Je me rappelais pas de cet épisode-là. Faire ses devoirs et boire du lait. C'est des leçons qu'on apprenait dans la série. N'est-ce pas, Robin? Ben, sacré bleu, Batman. Donc, étant donné la nature plutôt enfantine de l'émission, le personnage de Double Face a été effacé parce qu'il était en effet trop violent. Le personnage était supposé être un animateur d'émission de nouvelles qui se faisait défigurer par un plateau d'émission de télé qui lui explosait en pleine face. C'est comme ça que ça se passait dans la bande dessinée, apparemment. Donc, qui allait jouer Double Face dans la série? Et ben, Clint Eastwood a été approché. Ah oui, OK. Ça aurait pu être un rôle pour lui, mais il était quand même assez... populaire à l'époque pour sa trilogie Dollars. Voilà. Donc, ça n'a pas eu lieu. Ah ben. À Churchill, au Manitoba, il faut faire confiance à ses voisins et surtout prêter ta voiture, Jean-Philippe. OK, Mathieu. Mm-hmm. Imagine, tu vis dans une communauté tellement serrée que chaque personne se connaît et se fait confiance. Et non seulement ça, ils sont obligés, parce que sinon, quelqu'un pourrait se faire attaquer par un ours polaire. À Churchill, oui. À Churchill, au Manitoba. Il faut avoir confiance en chaque personne de la ville pour pas qu'elle vole votre voiture. La raison, c'est que si vous barrez votre portière de voiture, vous allez être puni par la loi. C'est le seul endroit au monde où il y a une loi contre... Ben, en fait, c'est pas une loi, c'est une règle. Contre barrer son véhicule. Parce qu'il y a environ 950 ours polaires autour de la rivière Hudson et certains des habitants pourraient se faire attaquer à n'importe quel moment. Donc, évidemment, quand tu t'enfuis, que tu veux t'enfermer quelque part, une voiture, c'est un bon endroit. Le gouvernement décrété que c'était... fallait pas barrer ses portes. OK. Faut juste pas que tu laisses d'objets de valeur. Ouais, c'est ça. Tes enfants. Tes enfants. Ah, c'était des enfants qui attaquaient à la place des ours, mettons. Ah! Les petits enfants qui allaient grimper dans les champs. Ah, ensuite de ça, l'œil humain, on a déjà parlé en bref de ce fait-là, mais on pouvait voir une flamme de chandelle à 30 000 de distance. On avait même calculé en kilomètres. C'était 44, je pense. Aïe, tu te rappelles. C'est quand même récemment, ce fait-là. Oui. Eh bien, l'œil humain est incroyablement sensible. En théorie, il serait possible de voir une chandelle à moins de 30... à exactement 30 000 de distance, 44 kilomètres environ. Et la lumière visible la plus éloignée qu'on peut voir avec l'œil nu est la galaxie d'Andromède, qui est à 2,6 millions d'années-lumière. Bien sûr, il y a des limites pour voir une flamme de chandelle d'une si lointaine distance. Il faudrait qu'il fasse complètement noir, 100% noir, ou 0% de luminosité. Et la Terre devrait être plate. Ah. Ou sinon, il faudrait être au sommet d'une montagne, encore une fois, la nuit noire. Ouais. Mathieu, c'est 48. C'est 48 mensonges. Je vais me flageller tantôt. Ah, promis. Ah ouais, ça. 48 fois. Ça t'a jamais pris de raison. Ça. les employés de Lego ont des petits Lego. Ben, pas tous, mais les haut placés ont des petits bonhommes Lego avec leur nom dessus. OK. Il y a une photo sur assemblage.com. C'est très cute. C'est maison, c'est cute. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. C'est Charlotte Simonson qui a son petit bonhomme Lego, j'imagine, avec les cheveux de la couleur de la personne, etc. Les scientifiques peuvent maintenant prouver qu'on vit dans le passé. OK. Et c'est notre cerveau qui compense. Nos cerveaux qui sont quand même assez extraordinaires. Ils font beaucoup d'efforts pour nous faire comprendre, nous faire percevoir la vie comme elle est. La vérité, c'est que tout n'est pas exactement comme on le pense. David Eagleman, monsieur l'aigle du Baylor College of Medicine, a fait une démonstration disant qu'on vivait dans le passé en utilisant des illusions visuelles pour prouver son point. Notre conscience est environ à 80 millisecondes derrière l'événement. Donc, devant l'événement, si on regarde, mettons, dans le futur. On se comprend, là, dans l'autre sens. Là. On ne sait pas à l'avance, quand même. Là. Donc, quand tu penses que l'événement a eu lieu, il a déjà eu lieu. La raison, c'est que nos cerveaux essaient de reconstruire l'événement en direct et reconstituent les stimuli qu'on a eu autour de nous, essaient de faire tout ça, de rendre ça faire une cohésion. Donc, pour qu'on puisse comprendre un petit peu le monde autour de nous. Mais des fois, le cerveau ne peut pas s'attendre. Par exemple, si quelqu'un tape des mains à moins de 30 mètres, tu vas voir et tu vas voir le fait qu'il va se frapper dans les mains et tu vas entendre le clap en même temps, simultanément. Mais un mètre plus loin, à 31 mètres, et le son va arriver 80 millisecondes plus tard que la lumière. Et donc, le cerveau ne pourra plus matcher ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il va y avoir un délai entre la clap, la claque et le son. C'est vraiment étrange, hein? Oui. 80 millisecondes. C'est pas beaucoup. Ça paraît pas, c'est pas grand-chose. Mais c'est comme Alain Lefebvre, qu'on salue bien sûr, a des écouteurs FM. OK. Donc, il s'en sert pas pour animer parce qu'il y a un délai. Ben oui. Et quand tu parles et que tu t'entends dans les écouteurs et qu'il y a un délai, c'est sûrement plus que 80 millisecondes. Je sais pas trop quoi, un millionième, mais ça fait peur de voir ça. C'est décontenançant, flabbergastant, comme on dirait certains. Voilà pour notre premier bloc de C'est un fait. Il y en a un deuxième bande de chanceux qui s'en vient tantôt. J'espère. Et en plus, je t'ai choisi un petit bloc thématique. Juste pour toi, Jean-Philippe, tout à l'heure, ce sera C'est un fait Food Edition. Yeah! On revient tantôt, reste là. Quel beau lundi. Ben, mais ça. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Sauvage Rocky en ce lundi 28 avril 2014, il est Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, c'est la seule constante dans vos vies à Sauvage Rocky tous les matins pour encore une dernière semaine. Mm-hmm. Et constante, c'est vite dit parce que c'est toi lundi, mardi et Steph mercredi, jeudi. Mais c'est constant comme ça. Constant comme ça. Puis le lundi matin, entre 6h30 et 7h30, c'est la reprise d'une portion de l'émission de jeudi. C'est Stéphanie. Fait que c'est Stéphanie tantôt. Puis moi, c'est mercredi. C'est ça, ça n'a aucun sens. C'est Stéphanie l'après-midi. C'est boum. Vraiment mêlant. Ah, on s'y fait. Pourquoi j'ai pas de constance? Je sais pas. Moi, je pensais à une Constance, une fille qui s'appelait Constance. Ah. Ça fait, on dirait qu'elle peut pas avoir en bas de 80. Constance. Voici Fontarabi à son âge. Tarabi est forcé à quitter. Oui. Ah, que c'est bon. Ça ressemble beaucoup à du Malajube parce que c'est un des gars de Malajube. Et pour vrai, cette chanson-là, je la trouve majestueuse et épique. Mm-hmm. Elle pourrait être dans un film, ça pourrait être le générique de fin. Ça serait écœurant. Ah, oh, waouh! Ce qui nous ramène, tantôt on y était et tous les chemins, vous le savez, mènent chez Walmart. Non, c'est pas vers. vers C'est un fait. Ah! Oh, tu m'as fait peur, Mathieu. Ben oui, on ira pas. Quand même. Il y a des choses que je sais pas, des choses que tu sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Des choses que. Je me rappelle plus de la mélodie déjà. Des choses que tu sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Clap, clap. Oh, wow. C'est juste la deuxième fois qu'on l'a fait, on va s'habituer. Ben oui, le temps de la roder et ça va être fini. C'est ça, c'est comme un show d'humour, là. Mais pas drôle. OK, donc commençons avec le deuxième. Surveillez-nous, en tournée tout cet été. Ça serait quoi notre titre, mettons, qu'on était un show d'humour? Si on était un show d'humour? Attendez-vous pas quelque chose de drôle. Oui, remboursement impossible. C'est tel que vu. Le café. Ah, en passant, c'est un fait food edition. Fait food? C'est un fait food. C'est un fait food. Fait food. C'est comme un fifouille. Ou des foufounes. Des foufounes. On commence par le café parce que nourriture, c'est plus que seulement du manger, c'est aussi du boire. Okay. Pourquoi est-ce qu'on dit pas ça, du boire? Du boire? Ouais. Moi, des fois, je dis ça parce que les GA proches de chez moi, c'est le boire pocket. Oui. Fait que je m'en vais au boire. C'est ça. Tu donnes le boire à ton enfant. Oui. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Peut-être. Peut-être faire boire pocket, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Ouais, ça doit être c'est ça. C'est peut-être un bébé pocket. C'est lui le gars qui traîne en remise en arrière. Faire boire pocket. Des petits esclaves comme chez Foxconn qui fait les produits d'Apple. Donc, le café. Tellement d'influence dans la culture turque qu'ils ont un mot, le mot brun se traduit littéralement par la couleur du café. OK. Donc, le café turc, c'est une méthode de préparer, de préparation du café avec, bon, les beans, comment on appelle ça, les beans, ça commence c'est, vraiment bien, là. Voyons. Les grains de café. Oui, de café. Mais il n'y a pas un nom spécifique. Peut-être. Spécifique. Donc, ils regardez sont, ça, Mathieu. D'accord. Ils sont moulus en une très fine poudre. On ajoute de l'eau chaude et du sucre. Le meilleur café turc va avoir une petite, en fait, une grosse mousse bien épaisse au-dessus, sur le dessus de la tasse. Il n'y aura pas de particules dans la mousse ou de liquide, du liquide. Il n'y aura pas de bulles dedans. Donc, la méthode pour faire le café turc a beaucoup d'influence dans la culture turque. Leur mot pour déjeuner, kahvaltı, littéralement se traduit comme before coffee. Donc, okay. Avant le café. Et leur mot pour la couleur brun, kahverengi, veut dire littéralement la couleur du café. Aussi, ils vont appeler leur café kawa, Q-A-H-W-A, qui veut dire café. De la même façon que les langages occidentaux vont appeler ça un café. Okay. Pour aller boire un café, la partie s'appelle un café. Un café. C'est vraiment cool. J'ai jamais essayé de café turc, mais ça me donne vraiment beaucoup envie. Mm-hmm. Est-ce que j'avais comme en tête, Mathieu, c'est torréfier, aucun rapport. OK, pas grave. Ben, c'est ça, le processus là, de pour mouler, ben oui. Torréfier, puis toutes les étapes, des fois, on les mêle un petit peu. Ça n'existe pas, en passant, une bédaine de bière, selon okay. L'étude. Les scientifiques ont juste prouvé que ça n'existait pas. Donc, que vous le teniez pour dit? C'est pas la bière. Donc, l'idée d'une bédaine de bière... Ben là, oui, je parle de moi, là. Donc, la bédaine de bière, c'est ça, c'est un statut qui menace les jeunes qui ont conscience de leur image depuis tellement longtemps. Vous pourriez donc être surpris et soulagé de savoir qu'il n'y a en fait aucune corrélation constante entre la consommation d'alcool et la circonférence de nos bédaines. Une sélection de 1000 personnes, des hommes, tchèques, choisis au hasard, check it out... et même des femmes aussi ont été invitées à participer à une étude où la relation, une étude sur la relation entre ceux qui buvaient de la bière et d'autres vins spiritueux, ainsi que la grandeur, la grosseur, la circonférence de leur estomac. Les sujets devaient remplir un formulaire de questions par rapport à leur consommation d'alcool et leurs habitudes quotidiennes. Ensuite, leur proportion corporelle et leur ratio de gras étaient mesurés pendant un examen médical. Bref, les résultats nous disent donc que l'idée préconçue du compte, dans le fond, du nombre de calories dans la bière qui allait augmenter donc l'estomac avec le temps est en fait complètement fausse, cette idée-là. Les résultats à l'origine, basés sur l'âge, montraient une relation positive entre le ratio taille versus la ligne, dans le fond, bref, la forme de ton corps. Ouais. Comme, bon. Bref, il y avait une étude sur l'âge à l'époque qui avait montré que c'était vrai, tout ça. Les scientifiques ont ensuite invalidé l'évidence qui avait été apportée en disant qu'il y avait plusieurs autres facteurs qui jouaient là-dedans, puis que c'était pas seulement à cause de ça, à cause de la bière mm-hmm. et à cause de l'âge, bref. Non, c'est pas parce que t'as bu beaucoup par là ta jeunesse que tu vas avoir nécessairement une bédaine de bière plus tard. Bon, voilà. Voilà. D'ailleurs, plus loin dans l'article, là, on peut voir... tu sais, les autres causes, ils se sont rendus compte après ça qu'il y avait la moitié des femmes qui étaient enceintes. C'était pour ça, c'est pas une bédaine de bière, ils étaient enceintes. Les hommes, ben, ils faisaient passer pour des hommes, mais c'est des femmes. Clairement. Clairement. Ensuite... J'ai trouvé drôle. Je m'essaye, c'est comme ça. On rode notre show, hein? On rode, c'est ça, notre show. Aucun remboursement requis. Aucun. C'est très drôle. Ouais, c'est pas pire, ça. Tu croiras pas la nourriture que quelqu'un a demandé comme dernier repas en prison? En effet. En effet, tu ne le croiras pas. Évidemment, bon, les derniers repas, ça part bien une conversation avec quelqu'un. Tu demandes qu'est-ce que tu mangerais comme dernier repas en prison. traditionnellement, les prisonniers vont choisir ce qu'ils aiment comme dernier repas, une poutine italienne, je sais-tu. La tradition a d'ailleurs été abolie au Texas après une demande assez extravagante. En 2011, un prisonnier nommé Lawrence Brewer a demandé et a reçu finalement un repas. C'était un cheeseburger triple viande bacon. OK. Okay. Un bol de okra, ça je sais pas trop ce que c'est. Une pizza meat lovers, donc amoureux de la viande. Un demi-pain, pas un pain au complet. Je vais pas faire gaspillage. C'est un demi-pain. J'en mangerai pas plus. Ben non. Une livre de barbecue, je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que c'est peut-être des côtes levées barbecue. Fudge au beurre d'arachide. Et une pinte de crème glacée. OK. C'était extravagant qu'il disait, là, ça va faire, là, gars. Parce que là, j'arrive pas. C'est hein? ça. Bon. Par contre, quand la nourriture a été amenée à Brewer, il a décidé de ne pas la manger, disant qu'il avait pas faim. Donc, c'est peut-être là l'extravagance un petit peu. Ce qui a forcé le sénateur du Texas, John Whitmire, à écrire une lettre aux gens qui s'occupent de la prison, leur demandant d'arrêter cette tradition-là. Brad Livingston, le directeur exécutif du Texas Department of Criminal Justice, était d'accord avec Whitmire et a juste arrêté ça complètement. Bon. Plus de dernier repas. C'est triste, par contre. Oui, c'est triste. C'est une bonne idée, quand même. Je veux dire, un dernier petit... quelque bonheur. Chose. Voilà. Ils l'ont changé pour un avant-dernier repas. C'est ça. Le jour d'avant. Puis c'est ce qu'il y a à la cafétéria. Moi, ce que j'aurais cru, c'est que quelqu'un serait allé chercher quelque chose de pas possible pour essayer de reculer sa sentence. ça ferait un bon film. Mais hein! Je vais te prendre de la viande... genre de truc lunaire, là. Ouais, c'est ça. S'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Évidemment, un petit ouais, s'il te plaît. Oui, de la viande de dinosaure. OK. Parfait. Miam. Je sais pas, ça doit être bon, ça. Je sais pas. Personne ne peut le savoir, je pense. Ben, personne ne peut le savoir. Puis là, on est rendu avec juste des dinosaures en graphique par ordinateur dans ouais. Jurassic World. Les verres de papier, de carton, finalement, de chez Starbucks sont impossibles à recycler à cause du plastique qui est à l'intérieur. C'est okay. ça. Les verres de carton blanc de chez Starbucks qui sont utilisés pour les breuvages chauds ont du polyéthylène, du plastique à l'intérieur pour garder le carton intact et protéger l'extérieur du verre pour qu'il soit moins chaud finalement, pour que la personne puisse le tenir. Le carton à l'extérieur est utile pour la rigidité du verre et pour garder la forme du verre. Mais malheureusement, le liner à l'intérieur fait que c'est impossible de les recycler. En tout cas, aux États-Unis, évidemment, j'ai pas l'information si au Québec c'est la même chose. D'après moi, c'est tellement une chaîne mondiale qui ouais, a les mêmes verres. C'est pour ça qu'il est si cher le café. C'est peut-être ça. Le verre qui coûte cher. C'est pour, ouais. Plastique et tout. Pour compenser pour ça. Ouais. Starbucks dit continuellement chercher des nouvelles options pour trouver des verres plus recyclables. Mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Leur breuvage chaud, leur manchon à breuvage chaud, ont été fabriqués pour éliminer le double cupping. Donc, les gens mettaient deux verres l'un dans l'autre pour avoir moins chaud à la main. Ils ont fait des petits manchons. Les petits manchons qui vont après les verres ont au moins peut-être diminué de, peut-être pas de moitié, mais les verres... au moins. Pas mal, ouais, c'est ça. Ils sont faits à partir de 60% de contenu recyclé, de fibres recyclées. Ils donnent aussi un rabais de 10 cents quand tu amènes ton manchon chez Starbucks pour un café. Ça s'appelle un manchon? Ben, je sais pas, moi j'appelle ça un manchon. OK. Je crois que c'est le mot, mais je ne suis pas certain. OK. I'm not sure. Manchon. Je vais vérifier. Ouais, merci. Starbucks a aussi commencé à offrir des tasses pour ici à la place de pour emporter, un peu comme chez Tim Hortons, pour les gens qui restent dans le café pour aller boire et travailler. Voilà, donc ils utilisent aussi, ils recyclent leur pinte de lait et le papier utilisé par la chaîne. Voilà, donc il y a juste les verres qui ne se recyclent pas. Ben, je pense que ça s'appelle un manchon, Mathieu. Ben, tu me fais plaisir hein, de dire que j'ai raison une fois de temps. Ouais, non, c'est pas toi qui me dis que j'ai tort, c'est Steph. Bon. Ensuite, finalement, pas finalement du tout. L'article commence par finalement, donc je commence l'article en lisant finalement. Ça va là-dessus, je l'ai pas lu ça. Donc, une explication. Ah, il y a l'air compliqué en plus. Bonne chance, on va y aller, on va l'affronter okay. À deux, OK? À deux. Un article que j'ai pas lu, on l'affronte à deux. C'est l'explication de la différence entre jam, jelly, marmalade et fruit butter dans les domaines de la confiture, okay. tartinade et autres. Rien de moins, Mathieu, on se lance là-dedans. Là. On se lance vraiment dans le sujet, on va voir ce que ça va donner. Jam, moi j'appelle ça de la confiture, jam, parce que c'est ce qu'on voit sur les pots. Oui. Confiture, c'est un mélange de fruits, de pectine et de sucre qui est bouilli rapidement avec soin jusqu'à ce que le fruit devienne mou, mais assez épais pour pouvoir le tartiner. OK. Ça, c'est jam, confiture. Confiture. Jelly, de la gelée. D'accord? Ouais. C'est fait à partir de sucre, pectine, acide okay, une sorte d'acide, et du jus de fruits. Okay? Donc, c'est une tartinade claire, transparente, assez épaisse pour garder sa forme, mais qui est faite aussi à partir de d'autres choses que des fruits, par exemple des herbes, du thé, du vin, des fleurs et des légumes. Ouais. Ça, c'est des gelées. Ouais, ça ressemble plus à du Jell-O. Exactement. Marmelade, ensuite. Ses origines romaines. C'est une tartinade aux agrumes qui est faite à partir de pelure et de pulpe. Pulpe, c'est... Des zestes. Non, comme le jus là, d'orange avec un peu de pulpe. Qu'est-ce qu'on dit en français? C'est bien pulpe. C'est ça. Pourquoi chercher plus loin? Ben oui. Dans le fond, pourquoi chercher plus loin? Mais zeste, c'est plus précis encore. Oui, zeste, c'est l'intérieur de la pelure d'un citron, c'est bien ça? Ben, c'est l'extérieur. L'extérieur, voilà. Pulpe, c'est à l'intérieur. On se comprend, pulpe à l'intérieur. C'est clair maintenant. Donc, c'est ça. C'est une tartinade, on parle de marmelade. Tartinade aux agrumes, fait à partir de la pelure et de la pulpe qui n'a pas de pectine. C'est cuit pendant très, très longtemps, donc chauffé. Et c'est utilisé comme tartinade et comme glaçage, si on veut. OK. Je comprends maintenant. Pardon. Ensuite, le beurre de fruits. Le plus mystérieux, moi, j'en ai pas vraiment vu de ma vie, mais c'est une tartinade douce, molle, qui est faite en faisant cuire, chauffer, donc très lentement, des fruits et des sucres jusqu'à la consistance parfaite. C'est pas toujours translucide, donc on voit pas nécessairement au travers, et c'est surtout servi comme tartinade, encore une fois. Les bonnes combinaisons et types de gelée peuvent aider les gens à descendre leur pression. Leur pression. Bon, bref. C'est aussi, c'est ça, super bon, au goût. Fait que moi, c'est ça que je cherche. Bon. Voilà. Ah, ben Mathieu, on s'en est bien sorti. J'ai pas fait grand chose, mais. Non, non, le zeste et la pulpe. Le zeste et la pulpe. Après, melon miel, chou de Bruxelles. Le zeste et la pulpe. Nestlé essaie de ramener son image un petit peu. Nestlé, la compagnie de chocolat, entre autres. Mais la liste de scandaux, ça c'est mon pluriel pour scandale, est quand même choquante. Donc Nestlé, qui est quand même rempli de controverses depuis les dernières années, ils ont dû faire un effort pour essayer de ramener une bonne image. Depuis l'an 2000, ils ont participé à plusieurs initiatives donc pour restaurer leur image. On parle d'un scandale en 2013, alors que de l'ADN de cheval a été trouvé dans leur repas Buitoni Beef Pasta. Ah. Donc, de la viande de cheval, bien évidemment, les autres pays vont chialer, vont dire que ça se fait pas de la viande de cheval. Nous, ici, on mange du cheval assez fréquemment au Québec. Une fois par jour. Une fois par jour, c'est ça. Comme Marie-Lou dirait, trois fois par jour. mais là-bas, disons que c'est un petit peu moins bien vu. En 2002, Nestlé a demandé à ce que l'Éthiopie repaie 6 millions de dettes envers la compagnie, même si le pays souffrait d'une grosse famine à l'époque. Tu sais, quand quelqu'un est vraiment pauvre, il demande de l'argent. Ouais. Donc, Nestlé a dû abandonner à cause de la pression du public et a dit qu'ils allaient réinvestir de l'argent, l'argent qu'ils recevaient de l'Éthiopie, et ils allaient le remettre dans l'Éthiopie, celle qui avait été remboursée déjà. En 2009, on a découvert que Nestlé achetait du lait de ferme saisi illégalement, donc opéré par le président Robert, par la femme du président Robert Mugabe. Donc, sa femme Grace Mugabe opérait cette ferme-là illégalement et ils utilisaient le lait de cette ferme-là. Mm-hmm. Voilà. En 2010, le documentaire The Dark Side of Chocolate disait ou accusait Nestlé d'acheter son cacao, ses grains de cacao de plantation de la Côte d'Ivoire qui utilisait des esclaves enfants. Donc, les enfants qui travaillaient là-bas avaient entre 12 et 15 ans et certains étaient trafiqués de pays qui entouraient, donc qui étaient de trafic humain. On sait un petit peu ce que c'est quand même. Les produits de Nestlé incluent entre autres la nourriture pour bébé, les eaux embouteillées, oui, les céréales pour déjeuner, le café, le thé, les bonbons, les produits laitiers, la crème glacée. Ben, je pense que c'est un produit laitier, ça. Nourriture congelée, nourriture pour animaux et collation. Donc, quand même, Nestlé est partout et sème la controverse. Comme toutes les grosses compagnies, là, dans le fond, finalement. C'est à peu près ça. Hein. Millionnaire japonais. On a parlé tantôt d'un prisonnier qui avait un dernier repas assez exotique. Maintenant, un millionnaire japonais qui mange la même chose presque chaque repas. OK. Et ce qu'il mange pourrait te surprendre. Takashi Kotegawa est un millionnaire, donc qui est devenu lui-même millionnaire. On dit self-made, là, il a pas hérité. Autodidacte, c'est ouais. Ça, genre, qui a fait sa propre argent. Donc, il a refusé son argent qu'il faisait en travaillant. Il est passé de 13 600 $ à 153 millions de $ en échangeant des indices boursiers pendant 8 ans environ. Donc, la chose qu'il a achetée de plus cher, c'est un condo qui vaut 4,2 millions. Et ensuite, sa deuxième chose la plus chère, deux Nintendo Wii. Bon, donc, tu vois qu'il a juste acheté un condo de cher. OK. Une Wii, ça coûte rien, tu sais. Non, c'est ça. Donc, il l'a meublé comment? Ça devait être meublé. Son condo devait être meublé. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'il l'a échangé contre ouais. Contre un trombone. C'est ça. Ah oui, ben, c'est peut-être ça. Bref, c'est ça. Il a pu acheter un condo, etc., etc. Mais il mange seulement des ramen en petit carton. Wow. Des cup ramen. Pourquoi? Ben, il dit que ça lui sauve du temps, ça lui économise du temps et de l'argent. Et ça l'empêche de dormir l'après-midi. Ça le réveille, c'est l'eau chaude. C'est l'eau chaude que tu bois après ça, ça te réveille, ça donne un petit boost. Et j'avoue que c'est vraiment bon, vraiment le fun. Puis c'est de la nourriture de parfait solitaire, oui. Célibataire. Donc, c'est ça, le salaire moyen. Au Japon, il est de 24 147 $ et Kotegawa a fait presque 6000 fois ce montant-là dans sa vie jusqu'à maintenant. Incroyable. Surtout en mangeant des ramen. Des ramen. Ben, écoute, il économise pour les temps durs. Hein? Voilà. Un jour, hein, on ne sait pas, ça peut retomber, cette affaire-là. Oui. Surtout s'il continue de miser sur des indices boursiers. Hein. Ah. Ensuite, tu as peut-être entendu parler de logiciels à source libre. Je pense que tout le monde a entendu parler de Linux, etc., etc. Mm-hmm. Mais as-tu entendu parler de Cola à source libre? Non. Ben voilà, ça existe. C'est Open Cola qui a été vendu à la Open Text Corporation en 2003. C'est une compagnie, en fait, c'était une compagnie qui a commencé avec un logiciel de recherche collaboratif complètement à source libre. En 2001, la compagnie a décidé d'utiliser son nom pour une autre chose. Ils ont créé un Cola à source libre. C'est un outil promotionnel pour expliquer le concept des logiciels à source ouverte, source libre. Ils l'ont nommé Open Cola. Après avoir vendu 150 000 canettes de cette liqueur-là, c'était apparent que c'était plus que juste un outil promotionnel. Un peu comme le logiciel, le Cola a vécu plusieurs révisions. Donc, comme les logiciels, bon, mettons, il y a eu la version 1.1.3, mettons, de la liqueur. Ça faisait référence donc à la recette, j'imagine. Et c'est ça, d'habitude, pour un logiciel, ce serait que les gens de la communauté peuvent réviser le logiciel. Il n'y a pas juste une personne ou une équipe derrière ça. Toute la communauté peut partout faire ça. Donc, un bon exemple, c'est entre autres le furteur web Mozilla Firefox, qu'on connaît comme source libre. Et puis, c'est ça. La recette du Open Cola est sous une licence GNU, General Public License, ce qui garantit que n'importe qui a la liberté d'utiliser, partager, copier ou modifier le logiciel, entre guillemets, et dans ce cas-ci, la recette. La seule stipulation pour le Open Cola, c'est que n'importe qui modifie la recette doit aussi prendre une licence GNU, GPL. La compagnie fournit aussi des instructions pour faire du soda à la maison avec des ingrédients de base comme du sucre pour éviter le besoin d'avoir à acheter un produit commercial, un peu comme Linux et des versions gratuites parce que c'est à source libre. C'est quand même drôle. C'est drôle. C'est cool, hein? Ouais. J'y goûterais bien, moi. C'est un peu comme le soda stream, mais qui ne coûte pas 300$ oui, par c'est ça. Année. Ouais. Alors, avant qu'on utilise le houblon dans les recettes de bière, la bière pouvait te faire halluciner ou même te tuer. OK. Mm-hmm. La première mention de la bière dans l'histoire, c'était en l'an 974, après J.C. Lauzon, comme toujours, c'est celui qu'on utilise comme point de référence. Aujourd'hui, le hops, c'est bien houblon. Hein. Juste pour être sûr, parce que je connais pas ouais, trop la bière. Que hops, oui. C'est houblon. Bon. Donc, le hop, le houblon oui. Est l'agent de saveur le plus utilisé dans la bière, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant le 11e siècle, ce qu'on appelle le gruit, G-R-U-I-T, c'était là que la bière prenait sa saveur. Le gruit, c'était plusieurs plantes mélangées ensemble, dont Liocyamus niger, pas nigger, sûrement pas nigger, qu'on appelait Stinking Nightshade. Pardon. Lorsque le Stinking Nightshade est consommé par les humains et la plupart des animaux, ça va relâcher quelque chose de chimique dans le cerveau comme système de défense naturelle. Et les effets secondaires après avoir mangé ces plantes-là, c'est des hallucinations, des pupilles dilatées, la sensation de voler, l'énergie extrême, la peau pâle et dans certains cas, la mort. L'énergie extrême et après la mort. Et si la mort dure plus de 4 heures, contactez votre médecin. si la plante était utilisée en conjonction avec d'autres plantes, comme. Attends un peu. Cette plante-là était aussi utilisée en conjonction avec d'autres plantes comme remède contre la douleur. Voilà. Donc, pendant les 11e et 16e siècles, les recettes de bière ont commencé à demander du houblon à la place du gruit. À cause de la mort du Stinking Nightshade, une loi est passée en 1516. La Bavarian Purity Law, aussi connue sous le nom de German Purity Law, a commencé. La bière avait seulement le droit d'être faite à partir de 4 ingrédients. Le barley, ça c'est l'orge. Mm-hmm. Hop, le houblon. Yeast, je me rappelle jamais ce que c'est yeast. La levure, voilà. Et de l'eau. Voilà, c'est la recette qu'on utilise encore aujourd'hui. Ouh, les mots difficiles à traduire aujourd'hui. Oh. Voilà. Et bon boy. Ensuite, une personne moyenne au Danemark va manger 3 fois son poids en viande par année. Qu'est-ce qui les rend si carnivores, dit-on? Ben oui, le goût. Bah, probablement le goût, hein. Tout pour le goût. Donc, surtout du poisson et des viandes rouges, la diète normale par année d'une personne bien moyenne dans un pays du Nord comme le Danemark va peser environ 322 livres, sa diète au complet. 322 livres, cet appétit-là pour les protéines vient de leur passé agriculturel, si on veut, et de leur géographie. Aussi leurs longs hivers. Lorsqu'il fait froid, c'est plus difficile de faire pousser des légumes et des fruits. Donc, les gens du Danemark se sont toujours fiés sur les animaux à la place de l'agriculture. OK. je m'excuse hein, aujourd'hui. La chose la plus surprenante, donc, c'est le peuple du Danemark qui a battu les États-Unis, qui, eux, mangent environ 215 livres de viande par année, par personne. La raison que les États-Unis... Attends un peu. Ah, je vais laisser ce paragraphe-là faire, c'est tellement pas important. Le pays qui mange le moins de viande. Ah, c'est vrai. Le pays qui mange le moins de viande par année, c'est l'Inde. OK. Leur appétit pour des nourritures riches en protéines est quand même, ça n'arrête pas d'augmenter, mais ils font seulement. Ils mangent seulement 12 livres de viande par année. 12 livres. Versus 200 et 300 tantôt. Là, 12 livres, c'est presque rien. C'est l'équivalent de manger seulement 9 steaks de viande environ, l'équivalence de 900 steaks de viande par année. Wow. Ah, oh, je suis heureux, là. T'es heureux de... J'aimerais ça, être à sa place. Un petit peu de sauce barbecue. Ah, oh, n'importe quoi, Mathieu. N'importe quoi. Un ingrédient clé de la root beer, la soda racinette, a été banni aux États-Unis depuis plus de 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'on boit? La racine du sassafras, un des ingrédients principaux de la bière de racinette. Mais en 1960, ça a été banni par la U.S. Food and Drug Administration, la FDA. L'huile de cette racine-là, la safrole, donc apparemment causerait peut-être, il y aurait des probabilités que ça cause le cancer. Donc, comment est-ce qu'on boit de la root beer sans de la root, hein, sans la racine? Uh-huh. C'est comme la chose. Il y a plusieurs versions artificielles qui sont fabriquées pour la root beer. Donc, il y a aussi un extrait naturel disponible dont on enlève l'huile nocive. Mais les versions artificielles sont utilisées dans la plupart des cas pour la bière de la liqueur de racinette, la root beer. La safrole est donc est un agent cancérigène faible. Donc selon des expériences chez rats, d'accord, ce qui a mené à le faire bannir aux États-Unis. Une étude de 1977 par contre dit que ça n'a pas le même effet chez les humains. Malgré ça, la FDA, la European Commission on Health and Consumer Protection ont quand même décidé de bannir ça comme cancérigène. Le safrole a été utilisé dans plusieurs autres produits dans le passé. Donc des boissons comme les root beer jusqu'au savon et au parfum. Et on peut aussi le trouver dans plusieurs épices et herbes comme la cannelle et le basilic, nous dit-on. L'huile de safras culinaire est disponible aussi, vendue donc sans son safrole, donc on lui enlève son safrole. Bref, ouais, il y a beaucoup de détails, mais... Eh bien, sans son safrole. Sans son safrole. C'est intéressant, je trouve. Les trois points du logo de Domino's Pizza. Ah oui. Ont une raison d'être. OK. Domino's est une des chaînes de pizza de pizzeria les plus populaires au monde. Mais ses fondateurs n'ont jamais décidé, n'ont jamais imaginé que ça allait commencer comme ça. En 1960, les frères Tom et James Moynihan ont acheté une petite boutique, une petite pizzeria dans le Michigan pour 975 $. C'est pas arrondi à 1000, 975. James a échangé sa moitié de l'entreprise James. Pour une... Oui, James. A échangé la moitié de l'entreprise pour une Volkswagen Beetle usagée, d'ailleurs. Donc, Tom était toujours déterminé de faire de cette compagnie un succès. Il a ouvert Domino's Pizza en 1965 et il a planifié ajouter un nouveau point au logo après l'ouverture de la troisième boutique en 1969. Mais il a rapidement laissé faire parce que l'entreprise était déjà connue. Les points sur le logo donc, représentent les trois premiers magasins et restaurants. OK. Donc, c'était une bonne idée de garder ce logo-là parce que c'est devenu très populaire. Je trouve ça cute. Oh, mais c'est cute. On le voit partout. 10 000 restaurants partout dans le monde. Ben oui, mais ça deviendrait un domino noir au complet. Un point noir. Un gros point noir. Un gros point noir. Ah. Pourrais-tu me le péter, s'il te plaît? T'as pas que tu Un point noir. il nous reste il nous reste deux derniers faits. Je laisse sauter celui-là, mais trop intéressant. On saute rien aujourd'hui. On a le temps en masse. On a vraiment l'émission à nous pour tout faire. La langue anglaise. Dans la langue anglaise, le fruit, l'orange, okay? Mm-hmm. Orange, existait depuis bien longtemps avant la couleur qui était nommée en hommage à l'orange. Okay? Donc, comment est-ce qu'on appelait le fruit à l'époque? C'est la question. Uh-huh. Parce qu'il y avait pas le mot orange n'existait pas. Hein? Donc, la première utilisation du mot orange dans la langue anglaise faisait référence au fruit et non à la couleur. Avant que les personnes qui parlent anglais connaissent le fruit, la couleur s'appelait, la couleur qu'on appelle maintenant orange, s'appelait yellow red. J'ai lu read en vieil anglais, mais ça se prononçait quand même yellow red. Ou encore red et yellow, donc rouge, jaune ou jaune-rouge, dépendant de la teinte vraiment les nuances de la couleur. Orange comme mot. À ses origines dans la langue dravidienne. Et là, je traduis vraiment à la volée, donc peut-être que c'est pas dravidienne, c'est dravidienne en anglais. Bref, ça a été emprunté et adapté par plusieurs langues, comme le vieux français et d'autres langages ont été adaptés ailleurs. La première fois qu'on a utilisé le mot en anglais, ça venait du 13e siècle. La couleur a été nommée après le fruit. Et la première utilisation d'orange dans ce contexte-là était seulement au 16e siècle. À travers le temps, ça a toujours été difficile de trouver un seul mot en anglais qui rimait avec orange. On a déjà parlé de ça un petit peu. On accepte qu'il n'y a en fait aucun vrai mot qui rime exactement littéralement comme le mot orange en anglais. Par contre, il y a quelques mots qui sont des demi-rimes et qu'on dit souvent que c'est des rimes comme hinge. Ça, c'est une penture de porte. Uh-huh. Lozenge. Lozenge. Okay. Syringe. Une seringue. Flange. OK. Flancher, je crois. Stonehenge. qui est un nom propre, ça compte pas. Et porridge, une sorte de gruau. Genre. Ah ben. Mais porridge et orange, pas vraiment les c'est une demi, demi-rime, comme on appelle. Et là, ça commence à parler de rime dans le paragraphe suivant. On s'éloigne un petit peu du sujet, je trouve, dans l'article, d'où le fait des soulignes d'habitude. Ensuite, le fondateur de McDonald's voulait pas introduire le super size. OK. Parce qu'il croyait que les gens n'avaient pas besoin de tant de nourriture que ça. Comment peux-tu avoir tant comme ça, musical? J'ai besoin de mon super format, tu sais. Donc, il y a plusieurs raisons probables ou possibles pour lesquelles notre beau continent de l'Amérique du Nord est de plus en plus obèse. Zobèse, même si on fait une liaison qui a de l'allure. Dont nos styles de vie sédentaires, la technologie, la pauvreté, etc. Mais la cause, avant ça, est simplement la nourriture qui est abondante et pas chère, des fois. Donc, les gens vont manger plus quand ils ont de la nourriture pas chère. Depuis 1977, l'Américain moyen consomme 10% plus de calories par jour qu'avant. L'obésité est souvent retracée aux années 70, alors que les États-Unis... acceptaient de plus en plus les politiques de ferme. On appelle ça « cheap food farm policy ». OK. Et je comprends absolument rien de ce que je suis en train de dire ici. Mais bref... Ça coûtait moins cher, les fermes, à ce moment-là. Bref, et Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, avait un dilemme. OK. Donc, il voulait introduire le repas super size parce qu'il croyait... attends un peu. Pourquoi est-ce que ça dit qu'il voulait présenter ce super format-là, mais après ça, il disait qu'il y avait trop de nourriture dedans? Ouais. Il voulait pas. Il manque des mots là-bas. Il voulait, mais il voulait pas. Il était ambigu. Les gens lui demandaient et lui refusait parce qu'il croyait que c'était trop de nourriture, mais le public voulait tellement leur super format sans avoir à payer pour deux repas qu'il a décidé de le faire finalement. Il disait que c'était pas nécessaire de manger autant en une seule assiette. Donc, tu t'assois, tu manges tout ça et après ça, tu te sens mal pour la journée. C'était pas le but. C'est ce qu'on fait tous. Je vais chez McDo, je me prends deux hamburgers, une grosse frite, une grosse liqueur. Ouais, puis après ça, t'es comme... Oh, ben, c'est pourquoi? Ça. Tu regrettes, mais en même temps, tu regrettes pas parce que t'as passé un bon moment. Oui. C'est l'affaire. Tu dis, le regretter, c'est bien beau, mais si t'as vécu quelque chose de bon... Ah, c'est ça. Un rêve. That's the dream. Got the dream. Voilà pour cet effet Food Edition. 95% a bien été, ça. Oui, c'est bien. Au retour, plus tard, c'est son foutu palmarès. On va parler entre autres d'Archie, les bandes dessinées, bien sûr. Le personnage mythique d'Archie avec Betty et Véronique. Mais avant ça, je vais me chercher un Super Size Me. Oh! Ah, la cafétéria s'est ouverte pendant la pause. Et bye-bye. Ah, je pense qu'on devrait se mettre une pièce avant parce que là, on a parlé beaucoup. Je m'en vais au sex shop. C'est ça. Super Size. Super Size. Ah, le Super Sex. Le clou vidéo. Est-ce que t'écoutes la télé canadienne anglaise, montréalaise anglaise, mettons? Des fois, oui, en zappant, ça peut m'arriver. Oui, ça peut. Genre, Boulevard Maisonneuve. Boulevard Maisonneuve, non? Les spécialistes de l'électroménager. Ah, non, j'ai... Non. Ah, c'est drôle. Les stations de radio montréalaises, c'est juste trop génial. Mais bref, le club vidéo Super Sex. Oui. Je me rappelle de ces vidéos-là. De ces pubs-là. Pas de ces vidéos-là. On révèle les vraies choses, hein, Colin? On s'en va entendre de Stripes. Nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici You Can't Judge a Book by Its Cover. Ça, c'est fou. Super Sex. Apple by looking at the tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Judge fish by looking in the pond. You can't judge right by looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Whoa, can't you see? Whoa, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. The cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a daughter by looking at her mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. by looking at the cover. Dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Et déjà de retour, c'était appel à 7 ans pour aller, mettons, je sais pas, chercher les Kleenex. Mettons, on jase. Toujours à Assemblage requis, à 8h35 en ce lundi matin du 28 avril. On dit rarement l'heure, c'est Jean-Philippe Chabalot. C'est Mathieu Plante. Si on dit nos noms tout le temps, par contre. Tout le temps. Plus important oui. Que l'heure. Tu sais, si tu veux, c'était ta montre à Jean-Philippe Charbonneau. Au timbre, il sera exactement 8h37. Attends, on va attendre le timbre. Oh, hey boy. Oh, c'est un timbre. Ah, je l'ai collé. Notre mousse de micro, hein? Ouais. Toi, t'as pas ta propre mousse de micro comme moi, hein? Non, mais j'ai ma propre mousse de nombril. Tantôt. N'importe quoi, ce matin. Quel excellent matin, hein? Oui. On a du plaisir. tout à l'heure, son foutu palmarès avance. Voici Charlie Foxtrot et la mémoire courte. Et la mémoire courte. Oui, voilà. Fallait pas oublier le titre. Ben non, quand même pas. C'est pas comme tu faisais ça à chaque semaine, cette joke-là. Non? Trop facile. Non, c'est pas ça. Si je l'oublie tout le temps, vraiment. Ah, je sais pas. Je sais jamais c'est quel numéro parce que c'est pas marqué en arrière. Oh! Ce qui nous amène à son foutu palmarès. Sans foutu palmarès, c'est la chronique où on a tenu une liste sur un sujet bien précis. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une liste sur Archie. Oui! Archie. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on allait le faire. Je remettais ça plus tard. Notre fameuse lecture de... Je trouve que ça se lit bien. Ça se lit bien. Quand t'es aux toilettes. Mais on dirait que la pire blague, c'est tout le temps celle sur la couverture. Ah ouais? On dirait qu'ils font des blagues plates à la couverture. Après ça, dedans, c'est le fun. T'sais. Ouais, je sais pas. J'ai jamais remarqué ça. C'est bizarre, on dirait que c'est rarement drôle. Donc, dans le numéro 36 de Life with Archie, qui est une série qui regarde dans le futur d'Archie, c'est, en ce moment, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui est disponible en magasin. Donc, c'est sa période après le secondaire. Ben, on sait que dans le numéro 36, ça a été annoncé, le personnage va mourir. Le personnage d'Archie, OK? Dans cette série-là. Okay? Ouais. Le président, le Chief Executive Officer de chez Archie Comics, John Goldwater, a dit à CNN, Archie va mourir de la même façon qu'il a vécu, c'est-à-dire en héros. Il va mourir en sauvant la vie d'un ami. Donc, même si c'est la fin d'Archie dans cette bande dessinée-là, ce ne sera pas la fin d'Archie le personnage, parce que la vie continue. La série normale d'Archie, elle, va continuer. Il va suivre Archie et ses amis à Riverdale au secondaire, comme depuis les années, peu importe, 60 environ. Donc, on a une liste de faits que vous connaissez peut-être pas sur Archie. Par exemple, Archie est inspiré par une vedette des années 30. Vrai, c'est Archie, Archie qui est basé en partie sur Andy Hardy, la série de films mettant en vedette Mickey Rooney. Quand Andy Hardy n'est pas en train de rejeter la jolie fille d'à côté, Betsy Booth, Betsy, comme dans Archie, on la comprend, il sort avec un paquet de copines qui ressemblent un petit peu à Veronica, dont Lana Turner, Donna Reed et Anne Rutherford. Comme Archie, Andy est un gars moyen qui réussit à attirer des jolies filles qui sont beaucoup trop belles pour lui, selon certains. Et donc, les dynamiques ont été formées dans la série de films Andy Hardy. Ensuite, Archie Andrews était à la radio. Entre 1943 et 1953, les aventures d'Archie Andrews, The Adventures of Archie Andrews, était une émission de radio qui jouait principalement sur NBC. L'introduction de l'émission mettait en vedette un Jughead avec une voix un petit peu nasillarde qui disait « Ah, relax Archie, relax! » Et ce show-là, cette émission de radio-là pour les préadolescents, mettait souvent en vedette les parents d'Archie, plus qu'Archie lui-même. Donc, quelques échantillons de scénarios de cette série-là. Archie va s'habiller pour un rendez-vous avec Veronica. Okay. Oh. Monsieur Andrews met du papier peint dans une chambre à coucher. Et l'autre épisode, acheter un hamac. Des épisodes absolument divertissants de l'émission d'Archie. Est-ce qu'on écoute un extrait? Oui, Mathieu. Je pense que oui, ce serait le fun. Ça. Attention, c'est un extrait de l'émission d'Archie. Andrews. Mailing Income Tax. Donc, Archie fait ses impôts. Hello? Hello, Jughead, this is Archie. Come over right away. It's a matter of life or death. C'est Jughead, c'est Archie. C'est une question de vouloir venir me rejoindre. Relax! Ah, Archie, relax! Oh, bravo! Il n'y a même pas de blague, là. C'est pas une blague. Non, c'est ça. Archie Andrews et son groupe dans les aventures d'Archie Andrews. And now for our weekly visit to Riverdale. Et maintenant, faisons notre visite hebdomadaire à Riverdale. On y est samedi matin à la maison d'Andrews. In the living room, seated at his desk. Et on trouve M. Andrews assis à son bureau. En train de faire la même chose que plusieurs pères font. Making out his income tax. Il est en train de faire ses impôts. Wow. I thought I'd never get it finished. Wow, je croyais jamais réussir. Forms any more complicated, it'd be simpler not to earn any money at all. Ce formulaire est tellement compliqué qu'il serait plus facile de ne pas avoir d'emploi du tout. Wallet, just to look at it. Well, tax has got to be paid. Ah, il faut bien payer ses impôts. Form. Il signe. Check in with the form. Il est en train de cocher les cases puis nous dire qu'il coche les cases. Je pense que oui. C'est un peu long là. Il baille. And it's over and done with. Et voilà, c'est terminé. Mary. Je pense qu'il avait déjà fini. Well, finally finished. With what I've been working on all morning, of course, my income tax. Qu'est-ce que j'ai fini? Mais j'ai fini ce que j'ai travaillé sur tout ce matin. About little things like income taxes. Ok, non, c'est vraiment, vraiment plate. Pour vrai, je comprends pas. C'est pas supposé être une comédie. Mais c'est Archie, ça. Ça, c'est le père d'Archie. Ok. C'est le père d'Archie. Imagine. Mais il est bien plate. Comment il a fait pour faire un fils aussi drôle? Aïe, aïe. Non, mais pour vrai, moi, je comprends pas du tout l'idée de faire des épisodes sur les impôts en 1950. Oui, je trouve que la voix des hommes dans les années 1950 sonne toutes pareilles. Je sais pas si c'est les micros qui faisaient ça à l'époque, mais on dirait qu'ils ont toutes cette voix-là. C'est incroyable. Wow. Quand les Monkees ont refusé de chanter Sugar Sugar, c'est les Archies qui l'ont chanté. Supposément, quand le producteur Don Kirshner a offert aux Monkees la chanson Sugar Sugar, que Jeff Berry dit lui-même que c'est pas arrivé comme ça, mais quand même, ils l'ont refusé, demandant le contrôle artistique. Tu te rappelles les Monkees, groupe qui avait une émission de télé aussi. Donc, il disait qu'il voulait plus de contrôle artistique et un son plus mature. La situation était tellement mal que Mike Nesmith, des Monkees, a passé apparemment son poing dans le mur. Mon Dieu. 10 ans, ça aurait pu être ta face. Donc, Kirshner. Donc, Don Kirshner, qui avait offert aux Monkees la chanson Sugar Sugar, a plus tard créé The Archies, une formation musicale avec Archie et ses amis dans l'émission The Archie Show à la télévision. Donc, c'est un band qui pouvait pas faire de petits commentaires, ils pouvaient pas rouspéter comme les Monkees. Et donc, ça a donné la chanson Sugar Sugar par les Archies qu'on s'en va écouter justement à l'instant. Tiens, pourquoi pas? À l'instant, OK. Ah oui. Chante-moi ça, The Archies. And now, et maintenant, Riverdale Carnival presents le carnaval de Riverdale présente The Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody, here we go. D'accord, with bon, our new hit record. Avec notre nouveau sugar, succès. Sugar, sugar, sugar. Betty qui danse sur un fond de lèvres et de bonbons. Bonbons. Oh, honey, honey. Oh, miel, miel. You are my candy girl. Tu es ma fille bonbon. And you got me wanting you. Puis tu veux, tu fais que je veux de toi. Honey, miel. Oh, sugar, sugar. Oh, sucre, sucre. You are my candy girl. And you got me wanting you. Et un bisou. Un bisou, c'est une fille qui embrasse un gars et le gars se change en grenouille qui commence à jouer de la guitare. Ben, ben logique. Comme toutes les grenouilles. Oui. Et les claquements de main ont lieu à l'écran aussi. Elle rembrasse la grenouille qui se rechange en garçon. C'est, en passant, pour ceux qui sont fans ou en tout cas connaissent un petit peu Archie, le personnage de Sabrina qu'on voit dans Archie, il me semble que c'est Sabrina la grande sorcière. Je crois que ça vient de là. Il me semble qu'elle est dans l'émission, mais je ne suis pas sûr. Je pense pour ça qu'elle fait de la magie aussi, puis qu'elle embrasse, puis qu'il se transforme. L'archive vient de se transformer en lapin. Pas mal sûr que c'est Sabrina, la porte sortie. J'aime bien cette chanson-là. Je devrais arrêter de parler de ça. Le chef d'orchestre est un chien. C'est un gros chien. Wow! Mais c'est complètement sauté. J'adore ça. Il sort la langue puis il sniffe les babines de chien. Perce-moi du sucre dessus. Miel, miel. Verse-moi du sucre dessus. Je vais rendre ta vie si sucrée. Si douce. Coquine. C'est vraiment cool. Oh, le chien s'avance vers Sabrina. Qui va devenir... Que va devenir le chien? Ah, c'est un clown! Oh, wow! OK. La mère, il rit de nous, là. Puis il part en unicycle, puis il jongle. Ah, ça me donne envie de regarder ça, des dessins animés toute la journée. Ils sont plus matures. Oui. Un vidéoclip bizarre. Ah. C'était fantastique. Voilà, c'était The Archies avec leur chanson Sugar Sugar. On est toujours dans la section Son Foutu Palmarès où on parle en ce moment de Archie, la bande dessinée. On était dans une liste de faits. Donc, Archie était un super-héros nommé Capitaine Pure Heart. Capitaine Cœur Pur. En 1966, Archie est devenu Captain Pure Heart, un personnage qui ressemblait à Superman avec une force surhumaine et la possibilité de voler avec un jet booster. Avec Betty, qu'on appelait Super Teen, et Jughead dans le rôle de Captain Hero, Captain Pure Heart se battait contre des vilains comme le cube de glace, Ice Cube, pas le rappeur, et Evil Heart, qui était lui joué par Reggie, dont on a vu dans le vidéoclip tantôt, qui avait, dans le fond, il les combattait avec une super mauvaise haleine. De la gomme ballon explosive et le pouvoir de son cœur pur. C'est pas très surprenant, mais Captain Pure Heart a été retiré après une très mauvaise vente de ses volumes. Évidemment. Évidemment. Évidemment. Des bandes dessinées chrétiennes de Archie existaient à l'époque. En 1973, un artiste pour Archie Comics nommé Al Hartley a reçu la permission d'utiliser les personnages dans une série publiée par Spire Christian Comics. Dans les 49 numéros qui ont suivi, Archie et ses amis donc vivaient des aventures évangéliques, dont la conversion d'un hippie au christianisme. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Convaincre un journaliste de l'importance de la prière et montrer ce qui arrive quand les écoles arrêtent d'enseigner la Bible dans une ville du Old West. C'est correct. À la fin, ils s'en sortent. À la place, ils ouvrent une librairie chrétienne. OK. Pour compenser pour les... Bon, les tu vois, cours. Au moins. Ça s'arrange, ça. Oui. Voilà. C'est wow. Génial. Dans la petite bulle, il y a une bande dessinée qu'on voit sur assemblageRiki.com. La Bible dit que tout le monde est tenté. Et là, il voit une bande dessinée archi puis il veut l'acheter, tu sais. Ah. Ouais. En tout cas, bref, c'est vraiment bizarre. Oui. Les bandes pourquoi hanté et christianisme, en tout cas? Je sais pas. Tenté. Ah, tenté. Tenté. Ah. Ouais, c'est ça, c'était mal prononcé. Hein. Tout le monde est tenté par quelque chose. Voilà. En tout cas, bref, il voit une bande dessinée, Archie gets a job, il veut l'acheter. Ah, bon. C'est ce que je comprends. Ensuite, Archie, les dessins animés, ne pas confondre bande dessinée et dessins animés, les dessins animés n'ont jamais été si populaires que ça. OK. Malheureusement, il y a eu 6 émissions de télé d'Archie animées depuis 1969. Ça veut dire ça? 6. Vraiment. Donc, ça a changé de style et de thème avec le temps. Évidemment, on a essayé de se trouver un public. Donc, on a changé les thématiques souvent pour essayer de trouver quelque chose qui allait marcher. Le Archie Show venait directement des bandes dessinées, alors que les New Archies essayaient de mettre à jour l'animation pour faire plaisir aux enfants des années 80. Archie's Weird Mysteries avait plus l'air d'un genre de Scooby-Doo, tu sais, avec des films, avec des monstres de films de série B. Je dirais, ouais. Qui est le monstre? Genre des momies puis une Véronica qui faisait 50 pieds de haut. Ça, c'est sexy, pas pour te dire. Donc, il n'y a pas une seule émission qui a duré plus d'un an. On espère que la nouvelle émission... Est-ce que tu savais qu'il y avait une nouvelle émission qui s'en venait? Ben non, Mathieu, je ne savais pas du tout. Parce que là, j'ai vraiment envie, moi, de retomber dans les archives, là. Parce okay. que là, je trouve ça cool, en maudit, de voir ça, moi. ça va s'appeler It's Archie. Et sérieusement, va voir sur assemblageRiki.com dans le fait numéro 6, le lien qui mène vers It's Archie, ou si tu veux taper juste It's Archie. Les personnages sont super, genre enfantins, avec des gros traits de crayon très, très foncés sur le bord de leur tête. Et les couleurs pastel, j'ai absolument hâte de voir ça. It's Archie, ça s'en vient. Mais bon, j'ai très hâte. Je descends. Pareil. Je scroll jusqu'à It's Archie. Ensuite, il y a eu un film télévisé de Archie. Là, ça me surprend et c'est un film avec des humains. OK. Ça s'appelle To Riverdale and Back Again. Donc, Archie to Riverdale and Back Again a été diffusé sur NBC en 1990. Archie, joué par Christopher Rich, va à ses réunions d'école secondaire. Donc, c'est la réunion des 15 ans suivant ton secondaire. Et il rencontre évidemment le groupe bien connu. Et maintenant, je veux parler des adultes. Le film était impressionnant, par contre, parce que ça montre Riverdale, donc avec Archie, Betty, Veronica et Jughead. Ils vont même performer une chanson similaire à Sugar Sugar qu'on a entendu tantôt. Archie finit-il par choisir entre Betty et Veronica ou reste-t-il avec sa fiancée qu'il a dans le film? Uh-huh. C'est ce qu'on doit suivre. On doit suivre le film pour le savoir. J'ai envie d'écouter un petit extrait ici. Il y a le film au complet sur YouTube de 1h35 minutes environ. On va écouter la première heure. Juste la première heure. Et ici, c'est les logos de début de film. Là. On comprend le principe. Hein? C'est le film de NBC. Oui. It's the NBC Sunday Night at the Movies. La soirée au cinéma. Ce soir, NBC présente une première mondiale. Il y a vraiment du temps pour écrire ça. Le personnage avec qui vous avez grandi est maintenant rendu adulte. Il a de gros problèmes doubles entre les deux filles. Véronica. Betty. Et sa fiancée en plus. What's going on? C'est le film le plus fou, le plus sauvage, le plus incroyable, le plus sexy. On ne montrerait certainement pas ça dans les bandes dessinées. The Archie to Riverdale and Back movie starts now. Et là, il y a le logo d'Archie comme dans les bandes dessinées. Au moins, on quand même garde. Au moins. To Riverdale and Back Again, écrit en police de super-héros. Mettons en vedette Christopher Rich. Ah. Oh. Lauren Holly. Ben oui. Ben en fait, c'est pas une chanson similaire à Sugar Sugar, c'est pas mal Sugar Sugar. Mais ça, c'est la version, la vraie version qui a été enregistrée par un artiste pas mal plus professionnel que les gens qui jouent derrière. Ben, ça commence comme tous les films avec une super longue introduction. C'est pour ça que je regarde pas de film, je trouve ça tellement long. Ça, c'est pas commencé, là. Non, on coupe d'un longueur. Là, on voit des plans, des travelling de plans pour établir le paysage. Évidemment, on s'arrête au petit stand de crème glacée où le monsieur est en train de passer le balai, salue les gens. Parce qu'évidemment, Archie allait tout le temps manger de la crème. De la crème à glace. On retourne à l'école où on est en train d'installer une banderole. Ah, il y a les personnages qu'on connaît, les bandes dessinées, Madame, je sais plus trop qui, pour monsieur. Et là, on installe la pancarte qui dit « Bon retour à nos anciens étudiants. » Alumni. C'est Monsieur Weatherby. Là, c'est Véronica qui est en train de l'appeler. Mais tu vois, les personnages ressemblent quand même. On peut arrêter ici, là, quand même, c'est un peu long. Mais elle est à Paris et elle a quand même les cheveux longs noirs. On voit qu'ils ont vraiment. Ils ont quand même choisi des gens qui ressemblaient aux personnages quand même. J'aurais aimé voir Archie dès les premières secondes, mais je pense qu'on n'aura pas la chance de le voir tout de suite. Ah oui, on l'a. Il est pas très roux, je pense qu'ils ont juste mis un petit peu de roux dans ses cheveux, mais il a les cheveux pas mal bruns. Mais bon, c'est super le fun à voir quand même. J'irai peut-être pas jusqu'à voir ça aujourd'hui. Là. Pendant 1h35. Pendant 1h35. Mais ça m'intéresse quand même. Mais je préférerais les dessins animés de loin, c'est ça. Voilà. Kevin Keller, un personnage d'Archie qui est gay. Ça veut dire ça? En 2010. En 2010, Archie Comics a présenté son premier personnage gay, donc Kevin Keller, dans Veronica 202. Il y a une série dérivée sur Veronica. Le numéro a été rapidement très vendu, là, vraiment écoulé le stock. Et Archie Comics a commandé sa première réimpression de numéro dans son histoire de 72 ans. Ils n'avaient jamais réimprimé un numéro. OK. Donc, clairement, le personnage était très populaire. Archie Comics a ensuite donné à Kevin sa propre série en 2011, donc faisant de lui le premier personnage gay dans une série solo de bande dessinée mainstream, donc grand public. Kevin va aussi devenir un super-héros nommé The Equalizer dans une ligne, un scénario, une storyline qu'on appelle en anglais, au mois de mai de cette année. Donc Kevin qui va être un super-héros en plus de sa série normale qui est déjà dérivée d'Archie, donc vraiment un succès. Ah, c'est impressionnant. Tant mieux. Oui. Archie, maintenant, a des livres pour adultes, pour jeunes adultes. Cet été, Archie va entrer dans le domaine, dans le marché, en fait, des livres pour adultes. Ou en tout cas, Betty va le faire. Ça sera nommé Diary of a Girl Next Door, Betty, par Tania Del Rio. OK. Ça va être ça va utiliser le point de vue de Betty. Betty qui a toujours eu un journal dans les bandes dessinées, donc ce serait un choix naturel de faire une dérivée là-dessus. Le livre va être une combinaison de textes à la première personne et d'illustrations que Betty a dessinées elle-même dans le contexte du livre. Un peu dans le style de Diary of a Wimpy Kid, le journal de dégonflé ou quelque chose comme ça là, au cinéma en ce moment, par Jeff Kinney. Bon, c'est quand même une bonne idée. Là. Ben oui. Entre la porte était clairement ouverte pour que ça fasse ça. Vraiment. Ce qu'il aurait pu faire, ça aurait été un 50 Shades of Betty. Ah! Oh. Oh! Hein? C'est pas pire, ça. Oui. Afterlife with Archie, qui est un dérivé sur l'horreur. Pour vrai, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de dérivés que ça. Puis là, je vois ça comme une montagne si je veux m'embarquer là-dedans. Donc, Afterlife with Archie, qui est une série de bandes dessinées matures, donc d'horreur, où Riverdale est maintenant rempli de zombies. Évidemment, okay. C'est pas canon, donc ça affecte pas le reste des histoires. C'est self-contained, contenu à l'intérieur de lui-même. Plein de mots en anglais que j'utilise ici et que personne comprend. Une chose que je les explique quand même. Donc, Hot Dog. Se fait tuer par une voiture. Hot Dog, c'est le chien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Je me souviens pas non plus, mais j'imagine vu qu'il y a Dog dans le mot. Donc, Hot Dog se fait tuer par une voiture. Donc, Jughead supplie Sabrina, l'apprentie sorcière, de le ramener à la vie. Quand elle le fait, Zombie Hot Dog mord Jughead, qui ensuite devient un zombie lui-même. Et la terreur va augmenter à partir de là. Afterlife with Archie se vend quand même très bien. Il reçoit de bonnes critiques. Il y a même des rumeurs de films en ce moment. On dirait que les nombreuses vies d'Archie n'arrêteront jamais. Mm-hmm. Et finalement, Archie en version fille. En 2015, Lena Dunham, la fille de l'émission Girls à la télé, très populaire en ce moment, va écrire une série en 4 parties pour Archie Comics. Selon Entertainment Weekly, l'histoire va suivre Archie et le groupe Le titre, tantôt, quand j'ai dit qu'il changeait en fille, c'était absolument pas ça, c'était juste une mauvaise traduction. Ça va suivre Archie et son groupe qui vont filmer une nouvelle émission de télé-réalité à Riverdale. Donc, okay. Ça va être par l'écrivaine de Girls en 2015. OK, oui, OK. Version fille dans le sens version de... Version fille comme dans écrit. Version Girls, exactement. Ouais, c'est ça, OK. C'était en effet très boiteux, mais bon, quand même, très intéressant, l'histoire d'Archie. Pour vrai, je retiens ça. C'est pas la première fois que j'entends parler, puis j'adorais ça quand j'étais jeune. J'ai retrouvé des bandes dessinées, je déménage en ce moment, j'ai retrouvé des bandes dessinées d'Archie que j'avais. Puis, c'est ton ça temps. Va recommencer. Colin, l'histoire d'amourette. Voilà pour cette partie de son foutu palmarès. Je pense qu'on va en faire une autre tantôt. Génial. Je pense, avant de faire écouter la chanson. Pour l'instant, en musique... On s'en va entendre, c'est Mark Mills qui est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est ce qu'on fait en ce début de semaine, on s'écoute les nouvelles entrées. Voici Triple Fire Sign, tout de suite, sur C'est Fou. Pulling the stars alive. On retourne un autre son foutu palmarès et le bloc écoutons la dernière chanson. Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou dans tes oreilles. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, ça, c'est toujours Assemblage Requis en ce matin. J'oublie tout le temps l'endroit où je suis pas supposé dire le jour. Mais bon, disons qu'on est lundi, le 28 avril 2014. C'est lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. D'autres choses à fouetter des fois, tu sais. On s'en sac tu hein? Donc, dans cette portion, il va y avoir tout à l'heure, écoutons-la dans la chanson, notre petit bloc quiz musical, juste pour toi, JP. Oui, je sais. Encore me faire travailler le lundi comme ça. À brûle pour point, à frette, tout. Name it. Hey, c'est invivable, ça. C'est de l'esclavage. C'est, voyons, non. Tu trouves que t'as de la misère? J'hésite entre pire que pire pis tel que tel. Je sais pas pourquoi. On écoute du feu de Dieu. L'intro de Mange l'ours mange suivi de Brody Days. Yeah. Tiroula, tiroula. C'est les paroles, hein, si on regarde le papier, c'est tu. Ouais, c'est tu. Mange, mange, mange, avec leur classique Bully Days. On est habitué d'entendre plus récemment la pièce Nuit Blanche, mais j'avais envie de retourner un petit peu en arrière parce que je l'aime bien. Ben, des fois, ça fait du bien. Et voilà. Donc, on était tout à l'heure en plein milieu de son foutu palmarès. Oui. T'en rappelles-tu? C'était le bon vieux temps, ça. Mm-hmm. Et bon. C'est son foutu palmarès. On va apprendre cette fois-ci 6 traits que les humains ont hérité des singes. OK. Tu sais, on se dit des fois, bon, ça se peut pas qu'on vienne des singes, je suis même trop hot, beau, j'ai des muscles, puis tout ça, qu'un singe j'aurais pas. J'ai pas les fesses rouges. J'ai pas les fesses rouges. Je pense pas les singes, là. Je pense que c'est du mal avec un. Ouais, une sorte de singe. C'est ça. Gorille, chimpanzé. Ou city, je sais pas. bref, les humains, c'est ça. N'ont pas évolué des singes modernes. Pardon. tels qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà, mais si on retrace les embranchements généalogiques assez loin, on va réaliser qu'on a quand même un ancêtre commun. Donc voici ceux qui nous ont laissés. Le coccyx. D'accord. Notre ancienne queue, finalement. Pourquoi est-ce que tomber sur les fesses fait aussi mal? Ben, c'est parce que le tailbone, donc l'os qui termine la colonne vertébrale, est un restant de notre ancienne queue qu'on avait dans le temps. Hey, excuse, quand ça n'a pas là. Ah, ça aussi, ça vient des singes, tout ça de même tout le temps. Donc, pendant environ 4 semaines, les embryons humains ont une queue. Et dans certains cas, les gens vont naître avec une queue, ça arrive. Je suis juste pas capable de parler. Bon, ben, je sais pas. Moi, j'essaie de faire des liens, mais non, j'y arrive pas. J'ai pas une chance pour faire des liens quand je dis des phrases plates de même, mais je dois avoir un poil en bouche, je sais pas trop. Donc, la queue est disparue. Sûrement pas de singe. Sûrement pas de singe. La queue est disparue des millions d'années lorsque les humains ont commencé à marcher debout et n'avaient plus besoin de leur queue pour s'équilibrer, bien sûr. Mais malgré tout ça, l'absence laissée au bas de notre colonne vertébrale, ben, c'est complètement exposé. Un petit bout. Un petit bout. C'est pour ça que notre coccyx est aussi facile à blesser. Voilà, il a cassé aussi. Notre main complexe, c'est la prochaine chose qu'on a hérité des singes. Les primates sont les seuls mammifères avec des pouces opposable thumb, donc des pouces qui vont à l'encontre des autres doigts. D'habitude, les doigts seraient tous dans le même sens, un peu comme un index, mais à la place du pouce, donc tu ne pourrais pas le plier à l'intérieur. Bon. Ah, ça serait l'enfer. Bizarre. Ben, y a des gens, pour vrai, il y a des gens qui naissent comme ça. Ah! Il y a même, je me rappelle pas du nom, je sais que j'ai déjà vu un article là-dessus, mais que les gens ont 6 doigts qui ressemblent aux autres et ils n'ont pas de pouce, donc ils peuvent pas rentrer le doigt vers l'intérieur. Ah! C'est vraiment étrange, t'as pas de pouce. Mais ils peuvent pas voyager non plus non. Sur le pouce? Non, puis ils peuvent pas non plus faire un thumbs up comme ça va bien. Bravo! Ils font index! Oui. Yes, c'était number one! Tout le monde pense que c'est ça, ils envoient chier. C'est pas l'index, là. C'est ça, c'est un majeur, pour ça c'est le deuxième doigt. Bon, donc les primates sont les seuls mammifères avec des opposable thumbs, des pouces qu'on peut opposer. Notarcus, un singe qui ressemble à un lémur qui vivait il y a 50 millions d'années, était le premier à développer des mains qui ressemblaient à celles des humains. Hein, humains. Un pouce, un long doigt et des ongles à la place des griffes. Pourquoi? Ben, c'est qu'ils étaient parfaits pour s'agripper aux branches d'arbres. Et c'est encore le cas. Sauf que, quand même, pour déménager, j'ai tellement les mains douces que j'ai de la misère à pogner les meubles. Tout glisse? Tout glisse dans mes mains, si douce. Hein? Super, hein? Oui, vraiment. La possibilité, la capacité donc à voir les couleurs est la prochaine chose qu'on a hérité des singes. Pendant des millions d'années, nos ancêtres étaient daltoniens rouge-vert. Incroyable. Mais grâce aux récepteurs nommés les opsines, tout donc est passé aux technicolores il y a environ 23 millions d'années. La plupart des animaux daltoniens ont toujours deux ensembles de gènes opsins ou opsines. Les humains, par contre, en ont trois. Et le troisième gène, c'est lui qui fait toute la différence. Les scientifiques disent qu'il y a environ un millénaire, mais bref. Le gène opsin a été dupliqué, a subi une mutation qui est devenue un avantage majeur. Les scientifiques ont confirmé cette hypothèse-là en plantant un troisième gène opsin dans la rétine d'un écureuil, d'un squirrel monkey, c'est un singe écureuil, qui était daltonien. Et l'expérience leur a donné à cet animal-là une vision qui ressemble à celle des humains. Eh bien, c'est on n'aurait pas eu besoin de lunettes pour regarder des films 3D. C'est ça. notre mauvaise odorat vient aussi des singes. OK. Ouais, donc tu peux pas tout avoir. Évidemment, notre sens de la vision s'est amélioré, mais notre sens de l'odorat, lui, a empiré. A des milliers de gènes pour les odeurs, mais environ 600 ne fonctionnent plus. Chez les humains. Mais en même temps, ça peut être bien. Ben oui. C'est ça, sinon il y a des odeurs qu'on sentirait qu'on ne veut pas sentir. Ce serait l'enfer. La Kruger, etc. C'est encore pire, probablement. La capacité d'aller juste se promener, gambader, si on veut. Donc, pendant environ 365 millions d'années, la plupart des animaux marchaient à quatre pattes, mais environ il y a environ 4,4 millions d'années, un primate nommé Ardipithecus s'est levé et a commencé à marcher, drôlement, un petit peu genre malaisant comme marche. Là. Et après quelques millions d'années, l'Australopithèque, comme on l'appelle en français, est arrivé. Bref, son membre le plus célèbre, c'est Lucy, dont on parle souvent. Exactement comme les humains, il avait des genoux qui pouvaient plier, donc rendant la marche un petit peu plus naturelle. Oui, plus facile. Pas mal. Sixième et le dernier, notre mauvais dos. Okay. Notre mauvais dos a marché, donc ça cause évidemment des problèmes. Ça a complètement gâché nos dos. Pour rester en équilibre, nos ancêtres ont développé une colonne vertébrale en forme de S. Comme on sait, ça mène à des nœuds, à des problèmes de nerfs sciatiques et à plusieurs douleurs. Moi, j'ai une scoliose de naissance qui va rester à vie. Donc, j'ai la colonne un petit peu croche et ça cause en effet des problèmes de dos. Mm-hmm. La colonne vertébrale en forme de S, ce n'est jamais une bonne chose. Mais toute cette douleur-là pourrait valoir la peine. Parce que ce lever debout libère nos mains et nous donne la chance de fabriquer des outils et de faire des choses. Et en même temps, on peut s'asseoir et faire des choses avec nos mains. On n'est pas obligé de rester tout le temps debout. Mais le problème de dos, les maux de dos restent quand même. Des fois, sont moins pires assis. Voilà. Voilà pour son supermarin. Sinon, on a terminé. Voilà. On peut y aller avec notre... est-ce qu'on peut y aller avec notre prochain bloc? Je ne crois pas qu'on va pouvoir y aller avec notre prochain bloc. On va y aller avec une autre pièce musicale normale à la place. Allons-y avec une chanson de Jacques Maure. Je me tente jamais de la faire, celle-là, Mathieu. Je sais pas pourquoi. Ça me fait. Parce que toi, tu penses que Jacques Maure, c'est M-O-R-D comme il va mordre. Mais c'est ça. Mais qui, on sait pas quand on le prononce. Il est juste décédé. Vis ton deuil. Mais je n'y arrive pas. Vis ton deuil. On s'en va entendre leur extrait. En ce moment, c'est Père Hippie, tout de suite à Assemblage Requis. Restez là. Comme il se Jacques Mare et la pièce Père Hippie sur le palmarès francophone de ça. Papa Hippie. Papa Hippie, qu'est-ce qu'il fait? Ça doit être notre sens de l'odorat sous-développé. Et voilà. Qui nous empêche de le sentir en tout temps. Je suis allé chercher, j'ai dit tantôt que je déménageais, je suis allé chercher un réfrigérateur chez un couple de personnes âgées de genre 80. Ah, l'odeur est tellement caractéristique chez les personnes âgées, ça sent tout le temps la même chose. Ah oui, ça sent le... Ça sent les personnages. C'est ça. C'est classique. Ce qui nous amène à notre petit quiz musical. Écoutons-la donc, la chanson. C'est le quiz Écoutons-la donc, la chanson. Je te propose d'habitude 3 pièces. Maintenant, c'est 4 pièces cette semaine. Oui, 4 pièces. Tu me décontenances. Ben, je sais pas comment tu vas faire pour passer au travers, mais tu vas devoir trouver le lien qui regroupe ces 4 pièces ensemble. On va te séparer ça en 2 blocs pour te simplifier la tâche un petit peu, te donner un break entre les deux. Merci, Mathieu. Donc, plus tard dans ce bloc, il y aura Bravo Funkin avec Boîte à savon sur l'album Cœur Rubik. Mais commençons avec la première. Voici Arsenic 33. Écoutons-la donc, la chanson. Maurice Lamarck, c'est léniniste. Richard, lui, c'était un anard. Alice était séparatiste. Chantal Bevoit est libéral. Dans les années 60, on sonnait loin des moins normales. Maurice est devenu trottiniste. Richard lisait du Guy Debord. Alice était indépendantiste. Chantal Arvoit est libérale. Des années 70, on parlait moins des moins normales. Richard a un condo dans le nord. Alice a travaillé pour Maurice. Chantal, ben, on vient de les lire au fédéral. Plus c'est pareil, plus ça change. Y'a rien qui compte, mais moins t'as mal. Wow! Maurice, c'est parti en business. Maurice, Richard est devenu pas tout le temps. Alice, elle a fait son pénis. Chantal, est resté libéral. Le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Auras-tu terminé à temps pour la grande course du printemps? Le tournoi des amants. Nous dévalerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. Thank you. passent leurs erreurs, nous rirons notre chance. On passe les drapeaux à carreaux, drapeaux de fleurs dans mon dos. Les mains à fleur de C'est l'entracte du bloc écoutant la chanson. L'entracte est aussi le nom de mon entrejean. L'entrejean est aussi le nom de mon pipi. OK. Voilà. C'est dit. Donc, dans écoutant la chanson, JP, t'as écouté deux chansons jusqu'à maintenant. Est-ce que t'as des pistes pour trouver le lien entre les quatre pièces que je te présente aujourd'hui? Ben là, écoute, je vais juste avec les deux premières. Ouais. C'était Boîte à mal, Arsenic 33 et Boîte à savon, Bravo Funkin. J'hésite un peu. Il y a le mot boîte dans les. Bon, c'est trop facile. C'est pas du Mathieu Plante du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, là, je me suis dit, ah, peut-être, de l'arsenic. Okay. C'est de l'acide. OK, ouais, ouais, ouais. Sûrement que tu peux laver des choses avec ça. Il y a savon. Savon, okay. Savon. Mm. Puis, ben, c'est ça. Pour l'instant, je suis là-dessus. Comme on dirait, c'est un savon calcul, le savon. Oui, c'est savon. Bon. Bon, ben, je sais pas. Moi, je peux pas te donner d'indice, évidemment. C'est juste l'entracte. Moi, je suis le performer. Oui, c'est okay, ça. Au spectacle. Puis le performer, il reste à l'arrière-scène. Puis il va pas jaser avec le petit public, là. Ben non, il est quand même pas pour lui donner une réponse. Il y a un char à gagner. C'est ça. Il y a un char à gagner. Un petit Tonka. Bon, donc on va aller entendre la deuxième partie. J'espère en tout cas que ça va comment dire, que ça va m'allumer quelque chose, c'est ça? Te déboîter quelque chose, te déboîter le cerveau peut-être. Ah, peut-être. Donc on commence, plus tard il y aura Lèse Majesté, mais commençons avec Uco tout de suite. Écoutons la la chance. Come on, voir ta musique. Rien comme un nivelle, on t'amène au top level. Des fois ça gueule des veines, effet surprise. Check la caméra, t'es ta surprise, surprise. Tu penses t'es dans le movie, scream, don't worry, c'est juste la parodie. Avec un beat plus fort comme qu'une track, c'est pas parodie. Le shine on, c'est normal, on est des mafiosiques. Hystériques comme Cross, c'est qu'à tête la pneumonie. Atypique, dans les bouts, promener l'ice-tick. Double les pills, pile en mes physiques. C'est dans notre boîte, c'est life, c'est ton sprayant parce que c'est même dans notre boîte en musique. Est-ce qu'on vous a répondu? Les flics, t'as de calvaire, genre de forme exact à bière. Cale ton verre, c'est ce que tu m'as vu. La première fois que t'as voulu me faire un hit, ça fait que je cligne pis je trinque à ma mauvaise route. Finalement, j'en appelle à ma boîte à musique. Je vais te dire une dernière fois, lyriquement parlant des portes. Clinque à ma nivelle, puis on chante. Je vais te dire une dernière fois, lyriquement parlant des portes. Clinque à ma nivelle, puis on chante. Clinque à ma nivelle, puis on chante. Jump up, jump up, tout bien, down. Hey, hey, les enfants, parce que je parle pas trop brutalement. Voilà, c'était les deux dernières pièces du bloc de 4 d'écouteurs dans la chanson. JP doit deviner le lien entre les pièces. Je te représente les morceaux qu'on a entendus d'une suite rapide. D'accord. Arsenic 33 avec Boîte à mal sur l'album Courte Pointe. Bravo Funkin avec Boîte à savon sur l'album Cœur Rubik. Uco avec Le bonheur est dans la boîte sur l'album En pleine face. Laisse Majesté avec La boîte à musique sur l'album C'est juste un début. Voilà. Voilà. OK. Comme je disais rapidement là, au début, finalement, il y a le mot boîte dans les quatre. Il y a boîte, ouais. Ouais, il y a le mot boîte. Donc après ça, non, je sais pas, arsenic, savon, bonheur, musique. OK. Savon. OK, non. J'essaie-tu quelque chose, Mathieu? Essaye des affaires. Parce que là, je fais juste des E. Essaye-le. OK. Parce que tu m'as donné un petit indice qui était. Qu'est-ce que tu m'as dit, Mathieu? J'ai dit que la vie m'influençait beaucoup dans le choix des chansons pour le bloc et que tu en as dans la chanson. Oui, donc je me suis dit peut-être que ça a rapport avec le déménagement. C'est ça, on a dit tantôt que je déménageais. La dernière fois, j'avais fait un bloc sur les voisins qui était aussi sur le déménagement. Donc, là, il y a le mot boîte. Bon, OK, c'est sûr qu'il y a les boîtes, mais je me suis dit peut-être qu'en déménageant, t'écoutais de la musique. Pis ça t'a donné un petit moment de bonheur, même si t'étais en train de laver avec du savon la nouvelle boîte à mal. Oh, wow! Ça a été beau, hein? Oui! Bien essayé! Merci! Ça, c'est un peu plus proche de ce que ça va être. Hein? Peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. T'es comme sur une échelle de 0 à 10, c'est à la bonne réponse, c'est peut-être un 2. moi, je vais y aller dans le désordre, parce que pour comprendre le sens, faut que je commence par le 3 quarts, OK? L'album En pleine face de Uco, OK? En pleine face, OK? Oui. Là, on revient ensuite à, mettons, Cœur Rubik, l'album de Bravo Funkin. Cœur Rubik, un cube Rubik, qu'est-ce que ça a? C'est pas des faces que tu dois tordre, tourner pour réussir à faire un bloc de couleurs de chaque côté, donc la face du cube. Ensuite, la boîte à musique de l'Aise Majesté, Majesté, la reine. Qui est sur la monnaie? La face de la reine. Uh-huh. Hein, je pense que c'est évident. Et Courte Pointe, l'album d'Arsenic 33, évidemment. Courte Pointe, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te mets une couverte d'en face quand t'es fatigué. Courte Pointe d'en face, donc c'est la face. Comment? C'est pour ça, Facebook. C'est pour ça, Facebook. Ça m'inspire parce qu'en ce moment, j'ai pas Internet, donc j'ai pas Facebook. Tu comprends? C'est ça, la vie. Parce qu'il y avait un indice un peu. C'était marqué Facebook. Ça n'a pas rapport. C'est à cause de Face. Note à moi-même, 2 points, Facebook, ça veut rien dire. Hein? J'ai marqué ça pour JP. Je sais qu'il va tout le temps checker ça. Donc, un Face pour me rappeler le visage face. Je suis épuisé. Ah, je suis fier de mon tour. Tu m'épuises, mais lundi. C'est dur. Après ça, je dors toute l'après-midi. Une petite sieste avec ta courte pointe dans ben face. Oui, dans face. Ouais, oui, avec la reine. Avec un cube Rubik. Voilà. Écoutons la dernière chanson. On fait ça quand on a l'opportunité de le faire à son âge. Merci, Mathieu. Fait plaisir. Bonne chance pour la prochaine fois. Merci. Ben, bonne chance. Ouais. Ça va de pire en pire. Hein. Oui, mais je désespère. Bien. On va finir l'émission là-dessus. Je désespère pas. On a terminé une autre édition d'Assemblage Requis pour ce lundi matin. J'ai l'air d'une vieille tondeuse qui démarre pas. Mais j'ai mal aux joues, je te trouve tellement drôle. Ah, merci, Mathieu. J'ai mal aux joues. Je t'attache, hein? Oui, une vraie petite bête, une vraie petite bestiole. Donnez 2$ pour l'encourager. Ah, vision mondiale des animaux. Non, c'est derrière, bref, espère. C'est bon. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On va remercier personne. Mais toi, Mathieu, je te remercie. Moi aussi, je remercie JP. Yeah. Vas-tu rester sur nos ondes, toi? Oui, toute la journée. Ben oui, parce qu'à 11h, évidemment, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. C'est immanquable. En après-midi, on vous laisse planer un certain doute sur ce qu'il y a parce que c'est la fin de session. On n'est plus en programmation normale. Mais d'habitude, les émissions de soir ont encore lieu. Donc moi, je donnerai une dernière chance au Voyage de Cité à 19h et Rock de Neuron à 20h, d'après moi. Oui, monsieur. D'après moi, oui. De toute façon, allez voir pour cet été la programmation complète. Mathieu sera sur CIF.ca. Oui, mais si vous avez aimé l'émission, vous pouvez aller aussi sur assemblagerequis.com. Je pensais me laisser dire le nom du site. Ben, je sais, je me souviens pas comment tu le dis. Je suis tellement habitué de dire les notes de l'émission puis les balados de diffusion. Ah, tu le fais bien. Donc, CIF.ca, assemblagerequis.com, facebook.com, /assemblagerequis, twitter.com, /assemblagerequis. À demain, JP. Salut, à demain. Bonne journée.